Ainsi va se terminer pour aujourd'hui Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Dans quelques instants, ça va être Bulle de rêve, l'émission qu'il faut suivre. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais, qu'il faut suivre avec l'ordinateur allumé à côté de soi pour pouvoir aller regarder sur le site d'Alexis ou sur quelques autres sites les morceaux de cinéma d'animation dont il parle. Donc, c'est, et comme ça, ça devient une émission de radio et d'image en même temps. Bulle de rêve. Plop. Bonjour, Bulle de rêve à l'heure. Oh, je crois que c'est une espèce de première mondiale. Ah, Nicolas me le dit bien, je crois que c'est la première fois qu'on commence absolument à l'heure. Pour tes bulles de rêve, hein, tes prédécesseurs étaient plus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Saisons... Oui. 2000 et quelques. Tu fais bien de le dire parce qu'en effet, visiblement, Olivier Catherine a dit que j'avais dit des choses méchantes, soi-disant, sur lui la dernière fois. C'est pas vrai. J'ai toujours dit que je voulais devenir Olivier Catherine quand je serais grand. Donc au contraire. Alors pour la première fois, présentation de Nicolet, pour la première fois, j'ai pas eu le temps sur The Web Anime de mettre des petites images. Merci Nicolas, donc de cette intro, pour une fois, tu me trouves à faire l'inverse que ce que je fais d'habitude. J'ai pas eu le temps. Et puis parce que vous allez voir, alors. Il y en a quand même une qui est une réalisatrice, je vais vous la présenter, qui nous fait des images, mais il n'y a pas que ça aujourd'hui dans le studio. On va commencer, donc c'est l'émission de rentrée, hein. Wow, on avait fait, c'est plutôt bien. On a la chance, c'est Cyclique, voilà, à un nouveau lieu. Et Eric Regino, bonjour Eric. Bonjour. Va venir nous en parler, je suis très content, il a fait l'aller-retour de très très loin, hein, de la région centre. Donc voilà, non, je suis vraiment ravi qu'il soit là, on va pouvoir parler. On n'avait jamais parlé de Cyclique, on en avait déjà parlé un peu ici, mais jamais en détail. Ça va nous permettre d'en parler plus en détail. Elle était, elle, sur la scène de la séance d'ouverture de Croc Anime. Justine Wilstecker, bonjour Justine. Bonjour. Qui, elle, va nous parler, toute jeune réalisatrice, de En sortant de l'école, qui est un programme donc là consacré cette fois-ci à la deuxième collection, et sur Death Note. Et bah, vous l'avez vu sur une petite télé, ouais, c'était moyen. Vous l'avez vu en DVD, bon, c'était bien. Maintenant, vous allez pouvoir enfin le voir sur grand écran. C'est quand même beaucoup plus agréable de voir ces films sur grand écran. Et ça fait aussi très longtemps que je voulais la voir. Yann Volsi, bonjour Yann. Bonjour. Yann, c'est voilà, l'un de ces magiciens qu'on aime du son. Et il a travaillé sur En sortant de l'école, la deuxième collection et la troisième collection qui arrive sur Apollinaire. On parlera évidemment de son travail avec Justine, puisque ça tombe bien, il a travaillé sur le film de Justine. C'est bien joué, non, c'est là où on sent que je suis un bon animateur. Et ensuite, on parlera de son incroyable parcours. Ça fait quand même maintenant... ouais, presque 15 ans qu'il est, même presque une vingtaine d'années. Ok, on verra ça tout à l'heure. On va pas dessus déprimer. Et si Valentine n'est pas encore revenue, mais elle reviendra bientôt comme d'habitude. J'ai prévenu tout le monde il y a 4 jours qu'en gros on avait une émission. J'exagère, mais à peine. Donc voilà, comme d'habitude. Mais Rémi est là. comme d'habitude. Voilà, bonjour. Non, t'étais pas là il y a 15 jours. C'est vrai. Donc tu vas pas dire comme d'habitude, commence pas à être mauvais comme camarade. Quand tu me préviens plus de 2 jours à l'avance. Voilà, je te remercie, t'es viré. Donc, et avec Rémi, nous allons commencer. Et j'ai pas désannoncé, comme dit Francis Cavel. On dit pas désannoncé, je sais plus comment on dit des. Si. Les annoncer. Notre générique, je vous avais déjà passé une superbe interprétation de Moon River, des Pascal que j'ai découvert cet été. Groupe absolument extraordinaire. Enfin, je connaissais le groupe, mais là, je les ai vus en concert et c'est un vrai bonheur en concert. Je pense que quelqu'un comme toi, Yann, ne peut qu'aimer les gens comme les Pascal dans leur délire. Le délire joué, les concerts, oui. Vu en concert aussi à Arles il y a quelques années, j'avais adoré, oui. Donc voilà, c'était les Pascal et c'était la musique de Wonder, Mirai Mizue, aussi grand réalisateur d'animation. Nous commençons. Il a mis ses chaussettes, il a chaussé ses lunettes. Chaussettes il a enlevé ses chaussettes. L'agenda par Rémi. Je vais commencer avec une info complètement hallucinante. Personne ne va vouloir me croire. Le site de AFCAN est plus vieux et moche. C'est vrai que j'ai lu ça. C'est incroyable. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais du coup, il est très beau. On peut adhérer en ligne. Il y a un nouvel agenda en ligne. D'ailleurs, il n'y aura plus l'agenda PDF qu'on peut partager sur Facebook. Il n'y a que ceux qui sont adhérents à la newsletter qui pourront le recevoir. Uh-huh. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Et dans 6 mois, on fera un petit sondage auprès des adhérents de l'AFCAN pour savoir si vous voulez garder les deux. C'est bien. Non, très, très beau site. Il vient d'arriver, je l'ai vu en effet, et ça change aéré enfin. Mmh. Et enfin, on sait qu'on peut aller, on peut voir des choses, ça fait du bien. Et vous pouvez inscrire vos structures dans l'animanuaire. Maintenant, ce n'est plus des stagiaires qui le font, vous pouvez le faire vous-même. Je sais, parce que j'avais 4 ans, je me suis tapé tout l'animanuaire. Moi. Et rien. Tant que je suis dans les sites internet, ce n'est pas une info AFCA, mais j'en parle tout de suite. Femmes d'anime commence à prendre forme. Il y a déjà une 30aine de fiches, donc c'est un site pour les femmes dans l'anime. Vous n'avez pas vu, mais Florentine Grelier, normalement, lui met un pistolet sur la tempe, a obligé, en fait, Rémi à reparler de ce site, dont on parle souvent. Ouais. Mais en tout cas, vous pouvez l'alimenter, même si vous êtes un homme. C'est vrai, Florentine m'a dit que même les hommes pouvaient s'inscrire. On peut se déguiser. Voilà. C'est assez étrange. Femme d'anime, c'est intéressant. Pas pour faire des fiches sur des femmes. Oui, c'est ça. Merci. Priscilla, animatrice du désert. C'est parti. La fête de l'anime, c'est très bientôt. C'est dans moins d'un mois déjà. J'en parle juste parce que l'AFCA a une requête. Est-ce que quelqu'un aurait une multiplane à prêter? Ce serait pour une expo à la BPI pendant un mois. Donc si quelqu'un a une multiplane... Juste répondez pas maintenant, que vous envoyez un... Parce un mail à l'AFCA. Mais vous envoyez un mail à l'AFCA qui... Pas moi, parce que la réunion, on a l'impression, attend vos réponses, mais ça ne peut pas marcher, Rémi. Vous pouvez nous appeler pendant l'émission. Personne ne le fait jamais. Mais... Dans 01 43 71 89 40, Rémi vous répondra, parce qu'on ne va pas répondre non plus. Donc 01 43 71 89 40. Et pas pour nous engueuler, comme la dernière fois quelqu'un a appelé. Il t'engueule que toi. Vas-y, continue. Non, c'était marrant, en plus... je passe cyclique parce qu'on va en reparler. Tout à fait. Le festival du film d'animation de Bru a un appel à films. Vous pouvez pitcher vos films. Il faut juste envoyer le scénario, le titre, tout ça, jusqu'au 1er novembre. Et j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je passe rapidement sur Fontevraud. Dépêchez-vous de vous inscrire ces derniers jours. Alors, profitez-en, il y a vraiment... il y a au moins 2 belles rencontres, hein, y en a plein. George Fitzgebel va entamer ses rencontres et c'est quand même un bonheur d'entendre George Fitzgebel parler de cinéma. Il a notamment de cinéma et de musique, donc très important. C'est quelqu'un qui évidemment base énormément son cinéma sur la musique. Et une rencontre que je vous conseille parce que c'est avec, j'avoue, c'est complètement du copinage. Antoine Lopez, ancien créateur, enfin voilà, créateur du festival de Clermont-Ferrand, qui va interviewer l'iconoclaste Prix de Parne, personnage quand même assez hallucinant de l'animation, donc ça vaut vraiment le coup. Pendant ce temps-là, Yann nous a amené une bouteille de vin. Donc voilà, il l'ouvre et on va pouvoir boire du vin. Donc Rémi continue. Oui, on passe au festival. On en parlera après, ouais. Le festival du film d'animation Paris Croc Anime, c'est en ce moment même. Si vous ne voulez pas écouter l'émission, il y a une carte blanche à Dimitri Granovski avec Florence Mireille. C'est un sacré dilemme. Non, avec un peu de chance, vous nous écoutez là, en différé, parce que vous avez préféré aller voir Florence. Je vous comprends tout à fait. Et puis tout à l'heure, il y aura la soirée de clôture avec la remise des prix. Ah. Voilà. avec le bouchon de champagne, je pense que c'est des bruits qu'on adore, quoi. Continue Rémi, c'est pas évident. Oui. C'est... Et demain, il y a encore des séances, même si ça va être clôturé aujourd'hui. Il y aura Houdini de Cédric Babouche. Il sera présent à 10h30 et une carte blanche à Isabelle Duval à 15h30. Avec plein de jolies films. Voilà. Dans la carte blanche de Nicolas, tu veux pas de vin ? Voilà. Je passe rapidement sur le Cartoon Forum. D'habitude, il y a Francis quand je parle du Cartoon Forum et il me dit non, parle pas de ça surtout. Aujourd'hui, il n'est pas là. Mais tu peux pas en parler donc. La nuit de l'animation, ce sera au théâtre Sébastopol à Lille. Ce sera la nuit du 18 au 19 septembre avec Avril et le monde truqué en avant-première. Toy Story, le premier a priori. J'ai pas eu de détails. Interstellar 5555. Et un focus avec les studios Tchak, Ankama, une sélection de cours de clips en tout genre. Je passe quelques trucs. On se demandait ce que pouvait faire Art Ludique après Pixar, Ghibli et Aardman. Ils ont trouvé. Ce sera l'art dans le jeu vidéo, l'inspiration française, à partir du 25 septembre. Avec plus de 800 œuvres et installations. Spectaculaire. Moi, il m'invite pas pour Art Ludique, donc je suis jamais allé. Ça coûte trop cher, c'est 15 euros là. Mais il y a des entrées moins chères sur venteprivé.com à 8 euros. Faut que j'aille sur venteprivé.com, voilà. Je ne savais pas, merci. Une chaussure et une place pour Art Ludique. Pourquoi pas. Dans les concours AP approchés, j'en ai déjà parlé une fois, le colloque Goldorak 40 ans après, ce sera les 18 et 19 mars 2016, mais vous pouvez envoyer une contribution jusqu'au 30 septembre. Vous avez le droit d'être fan de Goldorak, on ne vous jugera pas. Pas à l'antenne en tout cas. Dans les concours... Nous on boit pendant ce temps-là, mais c'est super agréable. Je vois après. Le concours Téfou 2015, c'est organisé par la SACD comme d'habitude, c'est la 6e édition. Cette année, ce sera sur le phénomène du réchauffement climatique qui est causé par l'amour sport, comme on le sait tous. Vous avez le droit de ne pas comprendre mes références à South Park, c'est pas grave. Vous pouvez envoyer un scénario avec un titre, note d'intention, vous connaissez la suite. Je deviens bien, t'as vu, je commande plus tous les trucs à la con comme vrai. Ça. Je trouve ça plutôt bien. T'as failli. Hein. J'ai failli, oui. C'est toi avec ton vaste, en fait, ça me permet de... Et il y a plein de sorties ciné. Je me suis plaint la dernière fois parce qu'il n'y avait que Le Petit Prince et Tête 2. C'était en août, non ? Exact, tout à fait. J'essaie le Petit Prince Tête 2, je ne voyais pas le Tête 2, quoi, enfin je ne comprenais pas trop ce que tu voulais dire. Non, c'est pas vraiment de l'anime, mais c'est marrant. Le Petit Prince, non, tout à fait. Et là, on commence par un film dont on a parlé la semaine dernière. À longtemps, je me suis couché de bonne heure. Voilà. Qui est déjà sorti. L'émission de Francis Gavel, et elle est en ligne sur The Web Anime. Elle est évidemment en ligne aussi, bien évidemment, en podcast sur le site, puisqu'il y a aussi. Bah, mais il y a un nouveau site depuis la rentrée de Radio Libertaire qui est lui aussi vachement bien. Voilà, AFK et Radio Libertaire même. Et donc c'est Misoko Sai qui est sorti le 2 septembre. Le 16 septembre, il y a deux films. Les Fables de Monsieur Renard, c'est un programme de court-métrage avec des renards. Et c'est Canado Suisse et Boruto, Naruto le film. Là encore, vous avez le droit d'aimer, on vous jugera quand même. Là, c'est vraiment nul. Le 23 septembre, Petite Casserole, c'est un programme avec un film que vous avez a priori vu si vous tournez dans les festivals, La Petite Casserole d'Anatole d'Éric Monchaud. Et si vous ne tournez pas dans les festivals, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent évidemment, qui ne sont pas, et ben allez voir ce film, on en reparlera sûrement un tout petit peu après, puisqu'il a été en résidence à Cyclique. Et il sort avec Les Cadeaux d'Aston, Promenade d'Indiscret et Les Agneaux. Éric Monchaud a un talent incroyable. Le 30 septembre, alors deux films encore, Aninha d'Alfredo Soderguit. C'est un film uruguayen. Ça a commencé comme de l'espagnol, ça finit comme de l'allemand. C'est assez étrange, mais. Il y a beaucoup de nazis qui sont allés se cacher en Amérique. Voilà, sûrement, en effet. Et qui font de l'animation maintenant. Bon, en tout cas, ça pourrait faire un beau film d'horreur, les nazis font de l'animation, un truc comme ça, après les surfeurs nazis. Vas-y. Et Le Voyage de Tom Pouce. De Bratislav Poja. Alors, avec un court-métrage de Bratislav Poja, en fait, c'est une. En fait, c'est trois court-métrages. La princesse qui ne riait. J'arrive pas à dire qui ne riait pas, le pêcheur Marcizek. Toujours le 30 septembre, Les Salsifis du Bengale, je ne sais pas si c'est bien ça. Si. Bon, on va voir. On va en reparler. On en reparlera tout à l'heure avec. Avec Justine, c'est pas elle qui a fait Les Salsifis du Bengale, donc elle peut dire que c'est pas bien, hein, mais. En tout cas, c'est dans la lignée en sortant de l'école. Tout à fait, 30 septembre. 30 septembre toujours. Et Les Aventures de Mark Twain, de Will Wheaton. Absolument, Will Wheaton, absolument. S'il y a deux films à voir, je sais plus c'est quoi le dernier après, t'as encore un truc à dire? Après, c'est des DVD que je fais. Ouais. Si en sortie salle, vous avez deux films à voir, trois. Vous avez, je passe les longs métrages. Vous allez voir Misoku Sai, même si on a un peu critiqué la semaine dernière, c'est un film qui est très intéressant. Kei Shiara est un super réalisateur et vous allez voir Misoku Sai et surtout après vous découvrez Ku. Et on peut ouvrir la porte parce qu'il va faire super chaud. Je te remercie. Voilà, on fait tout en direct hein, ici. C'est un peu voilà. Donc vous allez absolument voir Misoku Sai parce que c'est vraiment un cinéma qui est quand même très intéressant, même si il mériterait 40 minutes de plus. Mais c'est quand même intéressant. Et vous allez absolument vous foncer voir Will Wheaton. C'est les aventures de Tom Sawyer qui est une merveille en animation de volume fait par l'un des plus grands, Will Wheaton, qui s'est vu voler son nom à une époque par le monsieur Nike, je sais plus qui a racheté sa boîte. La boîte est devenue une boîte qu'on connaît tous énormément, qui s'appelle Leica. Leica, c'est Coraline, voilà, d'Henri Selick, etc. Et c'est un film incroyable qui n'avait pas tellement marché à l'époque, et même avec deux, trois scènes un peu adultes, hein, qui peuvent vraiment faire peur aux enfants. Et c'est un film, je suis ravi qu'il sorte enfin en salle, parce que c'est une vraie merveille. Voilà, donc absolument aller voir. Et des DVD. Oui, je suis content. D'habitude, j'ai pas de DVD. Là, j'en ai deux d'un coup. Rocks in My Pocket, qui est pas encore sorti en salle. Vous pouvez voir donc que c'est un film de Sidney Bobman. Absolument étonnant. À acheter sur son site hein, pour. Voilà, louer ou à télécharger légalement. Tout à fait. Ouais. Et un DVD le Philharmonique de la Roquette, qui fait souvent des ciné-concerts. Là, ils sortent un DVD avec 11 films d'animation tout public. Et je finis avec une info qui n'est pas dans l'agenda de l'AFCA pour des raisons légales. La reprise des séries, ça y est, enfin. South Park, la saison 19, le 17 septembre sur Comedy Central. Et le 28, on a le combo Simpson et les Griffins sur la Fox. Et Simpson, c'est la 27e saison. Il me semble que c'est désormais la plus longue série d'animation de l'histoire. Non. Il y en a une au Japon, mais évidemment, les Japonais, on n'y compte jamais, les Américains. Il me semblait avoir entendu qu'ils venaient de la dépasser, non? Non, parce qu'elle existe depuis, je crois, 35 ans, elle existe toujours a priori. Donc a priori, c'est toujours normalement la plus vieille. Ouais, à vérifier. Bon, j'avais vaguement entendu ça. Mm-hmm. Donc à retrouver sur tous les bons sites de streaming complètement illégaux. En fait, Rémi fait l'agenda uniquement pour ça, pour parler des séries. Ça m'emmerde de parler tout le reste, des réalisateurs géorgiens dont ils sont royalement. Géorgien, c'est pas pour ta réalisatrice, Olivier Catrin. Faut toujours que je le cite au moins deux, trois fois, Olivier. Merci beaucoup, Rémi. On va faire une petite pause avant d'entamer notre grande discussion sur Cyclique. On va aller avant, vous entendrez pas mal de. Il n'y aura pas que ça, mais Diane Folsey, évidemment, pendant cette émission. Là, on commence avec autre chose. Un groupe que moi, j'ai découvert, qui s'appelle Jambinai. C'est l'une de mes grandes découvertes de cette année. Alors, vous me connaissez, vous savez que j'aime bien les choses, des fois, qui sont un petit peu fortes. Alors là, on va dire que c'est une espèce de rock progressif. Mais c'est un peu fort quand même. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est un groupe coréen, donc qui mélange, en fait, rock progressif à la Godspeed You, You Black Emperor. Ce genre de groupe qu'ils adorent. Et aussi avec des instruments typiques coréens, donc il y a un mélange voilà entre les deux, et j'adore. Malheureusement, je vous passe un petit morceau, là il fait que 3 minutes parce qu'on n'a pas le temps avec tous les invités, mais il y a des morceaux évidemment de 7-8 minutes comme toujours dans ces cas-là en rock progressif, et c'est absolument passionnant. On écoute Jambinai, donc c'est le premier morceau, l'album Difference, et on revient juste après pour parler d'animation bien sûr. À tout de suite. We'll be right back. Et antenne, oh, j'ai failli faire, merci. Heureusement, Nicolas fait bien antenne avant, parce que sinon, ça serait terrible avec moi. C'était John Binay, donc, groupe coréen. Et ben, c'est parti, donc, Bulle de Rêve sur Radio Libertaire. On va parler de plein de choses aujourd'hui, pas un thème particulier. J'ai voulu, parce que la semaine prochaine... Attendez, alors là, je vais faire un truc un peu étonnant. Tiens, j'ai le piquet, tiens, pour la peine, et je vais récupérer, parce que je ne l'ai pas pris. La semaine prochaine, donc, le 19 et le 20... il y aura l'inauguration officielle dans les portes ouvertes. Alors, avec des professionnels qui peuvent venir le 18, on peut encore s'inscrire à l'Animabus. Oui. Ouais. Vous pouvez encore vous inscrire à l'Animabus. Donc, le 18, des professionnels pourront faire l'aller-retour pour découvrir ce nouveau lieu. Voilà, c'est ça. Une toute nouvelle résidence. Toute nouvelle résidence. Ça fait combien de temps, Cyclique ? Alors, Cyclique, anciennement Centre Image, anciennement CPCVL, ça date de 1991. Donc, fondé par Jean-Raymond Garcia et Philippe Germain. Et puis, bah, la structure a évolué petit à petit. Et en 2000, en septembre 2000, donc il y a 15 ans tout juste, Denis Wagenwitz propose à Jean-Raymond et Philippe de créer une résidence d'animation pour le cinéma en volume, pour le cinéma d'animation en volume. Voilà. Bon, donc, ça, il y a besoin de place, il y a besoin... Il y a besoin de place, il y a besoin de matériel, et il y a besoin de conditions. Denis avait été aidé par la PCVL à l'époque. Il avait fait son film en volume, comme un pixel sur la soupe dans sa grange, et je crois que ça avait été un peu dur pour Denis et Nathalie à l'époque, et donc, voilà, il leur avait dit que ce serait bien de créer un lieu pour justement permettre aux réalisateurs qui veulent... encore, qui voulait encore travailler sur cette technique, bah d'avoir tous les moyens possibles pour le faire, les moyens techniques, et puis aussi avoir de l'argent et une subvention. En 15 ans, c'est devenu sûrement l'un des graals de beaucoup de gens qui veulent travailler le volume, mais pas que maintenant, on en parlera tout à l'heure, hein, c'est ouvert à d'autres techniques. Pour toi, je sais que c'est une question qui est toujours compliquée, qu'est-ce qui fait qu'en 15 ans, parce que c'est l'une des seules qui propose ça, ou est-ce que parce que s'il y a vraiment un choix très éditorialisé quelque part des gens qui viennent en résidence? Question difficile hein, pour je toi. Je ne sais pas, en fait, le choix éditorialisé, donc nous, on ne choisit pas, forcément, vu qu'on a vraiment un jury indépendant. Donc, mais qui est quand même choisi. Bien sûr, on choisit le jury quand même. Donc, non, parce qu'il est quand même très choisi d'une certaine manière, enfin. Oui, ben, on essaye d'avoir des gens représentatifs d'animation, qui soient des producteurs, des réalisateurs, des diffuseurs, des distributeurs, des festivals, des techniciens aussi, voilà. Donc, on essaye de trouver toujours la bonne formule qui va marcher, que les gens se disputent pas entre eux, que ça soit pas la guerre. Et je croise les doigts, mais pour le moment, ça a toujours plutôt bien fonctionné. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment on leur donne pas d'axe non plus de choix à ces cinq membres qui votent à chaque commission. Mais voilà, c'est vrai qu'on est, en tout cas, moi je revendique les films qu'on a soutenus depuis le début. C'est où Cyclique? Cyclique. Oh, on va dire Cyclique maintenant, même si on est fait Centre Image. Alors, Cyclique, c'est à Château-Renaud. Voilà, Château-Renaud, il y a le siège social, les services généraux, le pôle éducation, diffusion, le pôle livre maintenant. Parce que Cyclique, c'est la fusion de deux établissements publics qui étaient Centre Image et Livre au Centre. Et donc le pôle cinéma audiovisuel. Et à Issoudun, nous avons des archives du film. Et à côté d'Orléans, à Fleury-les-Aubrais, des cinémobiles. Et donc maintenant, depuis le début juillet, à Vendôme, Cyclique Animation. Donc on va en parler, ce voilà. Très très beau lieu. Ça veut dire quoi, Cyclique? Cyclique, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est pas mal, c'est rare non, d'habitude, il faut toujours trouver des trucs là d'un seul coup. Non, ce n'est pas un acronyme. Juste, je me disais, souvent on parle des institutions. Toi, comment tu te retrouves dans Cyclique? Toi, Éric Reginaud, sans nous faire toute ta vie. Comment je me retrouve? Comment je suis arrivé là? Oui, comment t'arrives? Par hasard, ouais. Par hasard total. T'aimes l'animation avant ou non? C'est vraiment pas plus spécialement. Ça. Ouais. Non, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, Denis propose à la PCVL à l'époque de monter cette résidence. Et vu qu'il a envie de continuer à faire des films, il veut pas travailler à plein temps. Donc, il veut continuer à avoir plusieurs activités. Et en fait, il demande à Jean-Raymond et Philippe d'avoir quelqu'un avec lui. Et bon, d'après ce qu'il m'a dit, il voulait pas un fan d'animation. et on se connaissait parce qu'on avait fait nos études aux Beaux-Arts ensemble à Orléans, et il m'a demandé, et ça tombait à une période où j'avais envie de changer d'air, donc j'ai dit oui. Et à l'époque, je connaissais rien à l'animation, à part le Roi Lion, j'avais pas spécialement aimé. Donc, donc tu dis oui quand même, c'est plus le challenge, c'est plus le lieu. Le challenge. Après, je peux pas dire que l'animation ne m'intéresse pas du tout, mais voilà, c'était pas quelque... Moi, j'étais plutôt sur la prise de vue réelle. Voilà. Le site, on peut parler du site internet. On a parlé du site de Radio Libertaire qui vient d'être fait, et du site de l'AFCA, il y a un site qui est très complet. Il est assez passionnant, le site de Cyclique. On a alors tout le travail qui est fait par Cyclique, mais il y a aussi un Ciel, cinéma indépendant en ligne. Voilà. Qui est un site de diffusion en ligne, éditorialisé de films avec des thématiques tous les 3 mois. Voilà, donc là, c'était une thématique animation depuis le mois de juin jusqu'à la rentrée. Et il y aura une nouvelle thématique début octobre, je crois. On peut savoir ce que c'est ou c'est pas encore... Je crois que c'est pas encore officiel. Bon, tant pis, on aura essayé. Je crois que les femmes d'anime vont aimer. Bon, on va suivre ça alors. Cyclique, c'est vraiment quelque chose... On va... Une première partie là sur Cyclique, puis après évidemment on va parler plutôt de l'animation. C'est aussi l'éducation artistique. Ouais. Tu viens de parler, on parlera aussi des archives et du patrimoine. Ça, c'est important aussi. C'était vraiment un des pôles fondateurs de la PCVL à l'époque. Et donc c'est vrai que c'est un des plus gros pôles de l'agence. Et il y a vraiment des gens qui font un travail assez incroyable sur l'éducation à l'image, vers le milieu scolaire, mais aussi en hors temps scolaire, que ce soit dans les maisons de quartier, les hôpitaux, les prisons, voilà. Et puis il y a aussi un site qui s'appelle Upopi et qui propose des analyses de films, des cours en ligne, plein d'outils, notamment qui s'appelle Simon Gilardi, qui est parti maintenant, avait lancé plusieurs timeline, sur le documentaire. Donc voilà. C'est un vrai site de ressources. C'est un vrai site de ressources pour les étudiants, les enseignants, les chercheurs. Voilà. Moi, j'ai piqué la. Enfin, j'ai fait des captures d'écran et c'est vrai que j'en parle beaucoup à mes élèves, justement, de leur dire d'aller voir. Ça fait partie de ces sites où. Et c'est assez clair. Tout ce qu'analyse d'image est assez clair. Enfin, il y a quelque chose de vraiment, vraiment agréable. C'est toutes les missions. On a parlé de toutes les missions là, ou non? On n'a pas parlé de patrimoine. Enfin, t'as dit qu'il y avait un lieu. Voilà. Donc les archives du film à Issoudun. Donc c'est une équipe qui a la charge de collecter les films amateurs en lien avec la région. Donc soit des gens de la région, des sujets autour de la région. Et puis après de les collecter, de les numériser et ils font aussi des programmes après à partir de ces films. Donc on a des déposants qui cèdent leurs films et voilà. Avec des séances qui marchent très bien. Qui marchent bien, oui. Tu nous as amené là changer le monde. Enfin la première petite plaquette, on va dire. L'idée de diffusion est vraiment importante. C'est pas juste la production, c'est pas juste la résidence, c'est aussi d'un seul coup de. Oui, parce que ça a été aussi quelque chose de fondamental au départ, c'est que c'est bien d'aider les films, mais c'est bien de montrer aussi. Parce que le but des films, c'est pas de rester dans des armoires. Depuis le début, depuis la création de la PCVL, il y a vraiment eu tout un travail de diffusion des films en salle. Et puis maintenant, on s'adapte aussi au nouveau mode de diffusion de l'image, donc aussi sur internet et donc plutôt avec des belles choses hein. Là je vois le cours s'anime par exemple qui est un programme d'1h20 qui sera le jeudi 15 octobre à 20h30 avec Boris Labbé, réalisateur de Rhizome. On en a beaucoup parlé ici avec des films plutôt intéressants, alors des fois avec des musiques des bandes son un peu pas terribles comme Beach Flags par exemple de Sarah Sedan. Ouais, petite attaque. C'est la première attaque. C'est voilà, c'est ça. C'est en plus, ce qui est bien, c'est d'une pierre deux coups. C'est bien. Donc Beach Flags de Sarah Sedan, le repas dominical, Yule et le serpent, Gabriel Harel, Knock Knock, Rhizome, Sonambulo, Théodore Huchef, Periphéria de David Cocardasso, Dumb Ways to Die de Julian Frost. Donc en plus très varié. On a à la fois des choses assez drôles comme Dumb Ways to Die, des choses un peu folles au niveau des couleurs et voilà, comme Sonambulo, Rhizome dans un autre style. Ce programme, c'est un programme qu'on fait avec le pôle diffusion de Cyclic. On en est à la 13e édition, je crois. Et donc, tous les ans, on fait ce programme uniquement de courts-métrages d'animation. C'est un programme qui est choisi par les exploitants de la région. Donc, on leur montre une quarantaine de films et à la fin de la journée, ils essayent de composer un programme. Et voilà, donc c'est un programme qui marche aussi plutôt pas mal et qu'on sera fiers de présenter, et surtout notamment avec Boris qui viendra présenter son film. Avant de réellement parler, alors là, sur les dossiers, sur peut-être des choses un peu plus techniques, c'est pour ça que je voulais passer d'abord un peu sur la présentation de Cyclic. On peut s'attendre à quoi, le rendez-vous 18 au 20 septembre? Nous, on a une petite plaquette là, mais alors, on va s'attendre à quoi? Le 18, la journée plutôt professionnelle commencera à 14h30. Donc il y aura des visites du lieu avec les résidents qui seront dans leur salle de travail. Donc ce sera une l'occasion donc pour les professionnels de découvrir les nouvelles équipements qu'on leur met à disposition quand ils viennent en résidence. Donc il y a aussi bien des lieux de travail que des hébergements, et puis après une partie du bâtiment qui est réservée à l'accueil public avec une petite salle d'expo et une salle de projection. Il y aura des projections aussi dans cette nouvelle salle de projection et dans le cinémobile. Voilà, c'est une mobile qui a un camion assez incroyable qui se déploie et qui a une salle de 100 places à l'intérieur, wow, équipée en DCP, professionnel. Donc c'est un camion qui, on a trois camions, il y en a deux qui font des circuits, un au nord de la région, un au sud, et qui permettent aux petites villes qui n'ont pas de cinéma à moins de 20 km de pouvoir bénéficier une fois par mois de séances de films en sortie nationale. Donc de films en sortie, oui, bon, c'est pas forcément que des courts-métrages ou des choses... Non, c'est vraiment des longs-métrages, après il y a quelques programmes de cours pour les plus petits, mais c'est vraiment les films en sortie nationale. Donc... Ça, il n'y a pas d'exposition pour l'instant, si? Il y aura l'exposition, alors elle ne sera sûrement pas complètement terminée, il y aura une présentation des premiers dessins. Donc, et puis après il y aura un cocktail dînatoire et de bienvenue pour tout le monde. Pour tous c'est les le vendredi invités, le vendredi soir. Je vais peut-être venir alors. Il faut que je vienne. Voilà. Il y aura des bouchons qui vont sauter, donc je pense qu'il faut que tu viennes. Ok, d'accord, bon. Et puis à 20h30, l'avant-première de Phantom Boy avec Alain Gagnol et Jean-Louis Filiccioli et Catherine Blanc-Morizzi de Folle Image. Voilà, qui viendront présenter le film. Si vous connaissez, j'ai demandé à des gens de Folle Image. Je sais qu'ils sont impossibles à interviewer, mais sachez, voilà, si vous entendez ça, je veux bien avoir fait Tu les Gagnoles, je veux bien même qu'on fasse l'interview ailleurs et qu'on la repasse, etc. J'aimerais bien faire une heure et demie. En fait, il faut que tu viennes et que tu... On peut les séquestrer dans une salle. On peut essayer de réussir. Bon, d'accord, alors. Non, j'ai vu Phantom Boy, c'est vrai que c'est un joli film, et c'est vraiment des gens qui ont un grand talent, et c'est vrai que le film serait... j'adore ce qu'ils font en court-métrage, et voilà, ça fait partie de ces films. On en a parlé la semaine dernière. Il y a malheureusement beaucoup de films qui sortent en même temps. On parlera d'Adama tout à l'heure avec Ian Volsi, mais c'est vrai qu'entre il va falloir soutenir aussi ces films-là, que tous fonctionnent. On l'a dit, on le redit, on en a besoin pour le monde de l'animation. On en a besoin absolument, parce qu'il faut tous ces films qui sont de grande qualité. En plus, on a de la chance, des choses complètement différentes, vraiment trouvent un public assez large en salle. Et puis après, le samedi et le dimanche. Donc le samedi matin, il y aura une rencontre avec Alain et Jean-Loup, qui parleront de la fabrication du film. Donc là, c'est plutôt pour le tout public, mais il y a quelques professionnels qui vont rester aussi le samedi. Puis il y aura l'inauguration officielle. Voilà, là, on va couper le ruban. Et donc à partir de 14h, ce sera pour le coup plutôt pour le public, avec des visites toutes les demi-heures qui partiront pour découvrir les lieux de travail, les rencontrer les résidents comme la veille. Toujours des séances au cinémobile pour le jeune public, dans notre salle pour découvrir des films qu'on a soutenus, l'exposition qui sera visible, et puis on aura un spectacle aussi de marionnettes dans une caravane qui sera le plus petit cinématographe du monde. Voilà, c'est la compagnie des fourmis dans la lanterne, et c'est un spectacle qu'on fait en partenariat avec l'Hectare, qui est une des 6 scènes conventionnées pour le théâtre de marionnettes à Vendôme. Donc on va sûrement travailler pour faire des ponts entre l'animation et le théâtre. Alors, c'est... c'est pas très loin, c'est quoi, c'est une c'est heure 40 en... minutes de TGV. 40 minutes de TGV, donc c'est des choses. Est-ce que on peut imaginer que dans ce nouveau lieu, il y aura des moments donnés, des séances un peu exceptionnelles, ou est-ce que vous allez pouvoir travailler sur des choses qui vont drainer un public, alors peut-être un peu plus parisien par exemple, ou je sais pas, un Lillois, enfin un peu du reste de la France comme ça, et de se dire tiens, il y a 2-3 jours, on va faire un petit week-end, peut-être pas un festival, mais en tout cas voilà, amener ce genre de choses. On va essayer de voir, je pense que pour la première année on va essayer d'y aller un peu mollo aussi, parce que avec l'ouverture du bâtiment, tout ça, on a pas mal de choses à faire, et c'est vrai que la première année on va essayer d'être un peu de pas y aller trop fort, mais bon, on a quand même des projets, on a envie de développer des choses, donc voilà, on va essayer de voir ce qu'on pourra faire. On n'en saura pas plus. Mais non. En tout cas, voilà. Est-ce que c'est un lieu qui pourrait... Alors là, ceux qui me connaissent vont se dire, ah tiens, qu'est-ce qu'il essaye d'avancer? J'ai déjà embêté Eric pendant je ne sais pas combien de temps à Annecy. Est-ce que c'est un lieu qui, par exemple, pourrait accueillir... un objet particulier? Oui, c'est ça, dont on parlera tout à l'heure, parce que Justine a fait partie du stage de l'écran d'épingle. Est-ce que... voilà. Mais peut-être, pourquoi pas. Après, je ne sais pas quelles sont les conditions pour accueillir... cet écran d'épingle, il y a peut-être des conditions techniques auxquelles on ne répondrait pas, mais pourquoi pas en tout cas. C'est vrai que vu qu'on est quand même malgré tout plutôt orienté vers les techniques traditionnelles, ça pourrait être aussi une logique d'accueil de ce genre d'outils. Il y a combien de plateaux de tournage ? On a un plateau volume de 80 mètres carrés qu'on peut diviser en plusieurs petits plateaux. On a 2 salles banc-titre. Et une salle pour la 2D, papier ou ordi. Voilà. Bon, on va faire une petite pause et on va revenir alors là vraiment sur comment on fait un dossier pour Cyclique. Alors pas comment vous êtes sûr d'être accepté à Cyclique, hein. C'est évidemment pas le but. Non, mais comment on fait un dossier, combien de gens sont pris chaque année, etc., etc. Et on va voir un petit peu plus en détail. Ça va être un peu plus technique. Enfin, technique, voilà, vraiment pour les gens qui aussi, c'est toujours un peu mystérieux des fois, les résidences, ce genre de choses. Donc, on va passer un peu de temps. On va faire une petite plongée dans, allez. C'est mon préféré, donc il n'y peut rien, de toute façon on est obligé de le passer, à chaque fois, je l'ai vu récemment, je lui ai dit « mais pourquoi tu ne parles pas de ce film-là » On va plonger pour une première fois dans l'atmosphère de Yann Volsi, et on va avoir 2 minutes 40 où vous allez entendre une composition musicale qui est tirée d'un film de Chen Chen, s'appelle « M'échapper de son regard », film de fin d'études, moi que j'adore, de La Poudrière, et... petite merveille, petit bijou, il a d'ailleurs obtenu pour ça le prix à Clermont-Ferrand. De la meilleure musique. Donc on commence, voilà, l'entrée dans l'univers de Yann Volsi par M'échapper de son regard. À tout de suite. M'échapper de son regard, c'est bien sûr, enfin bien sûr non, si vous connaissez pas, vous êtes bien sûr sur Radio Libertaire, j'ai un peu mélangé là tout, mais c'est pas grave, c'est plutôt bien, j'aime bien. C'est sur Radio Libertaire, bien évidemment, la radio de la Fédération Anarchiste, ou la seule radio sur laquelle on peut parler pendant 2 heures de cinéma d'animation. Et écoutez, m'échapper de son regard, composition. Diane Volsi, voilà. C'est quand même génial. Il y a Grégo et Buffa, puis il y a les autres. J'ai l'impression que Catherine Buffa et Rhys. Et oui. Jean et Grégo sont vraiment les piliers sont des de Centre Image, puis de Cyclique. Ce sont des piliers, ils ont réussi à convaincre chaque commission. C'est fondamental pour des gens comme ça, c'est-à-dire des gens qui travaillent avec des petits moyens, enfin des petits moyens qui travaillent aussi, bon, le côté encore très auteur, je sais pas comment le dire, mais en tout cas j'ai l'impression que sans les résidences ça serait très compliqué. Bah oui, je pense que ce serait beaucoup plus compliqué pour eux, donc en tout cas nous on est fiers à chaque fois que ça, fiers et contents que ça marche parce que voilà, ce sont des gens charmants qui font un travail incroyable. Pour moi, ce sont vraiment voilà des auteurs d'animation avec une vraie filmographie, avec une vraie œuvre qui évolue de film en film. Et voilà, je trouve ça important de pouvoir les suivre. Après, on n'est jamais sûr que ça marche parce que c'est le jeu des commissions, mais. Mais voilà, on est. Et c'est intéressant d'ailleurs. On est content que ça marche. Ouais. Et puis c'est vrai que ils ont inauguré la résidence à Château-Renaud il y a 15 ans. Ils inaugurent celle de Vendôme maintenant. Et voilà, et on est vraiment content qu'ils soient toujours là et qu'ils nous aient suivis et qu'on les ait suivis. Alors, parmi les noms qu'on retrouve, donc Gréco Buffa, Grandjean, Pierre-Luc Grandjean, Denis Valgenwitz, évidemment, Sébastien Odenbach, c'est quand même deux films. Juliette Marchand. Oui. De films aussi pour Juliette Marchand. Et puis pas mal de monde, Toca Fondo, Simone Massi. Enfin, c'est plutôt une belle liste. Oui, ouais, c'est une liste. Les dossiers arrivent du monde entier comme ça. Les dossiers maintenant arrivent du monde entier, oui. Voilà, on a fait pas mal de. Ben, j'ai essayé de faire aussi pas mal de pêche au projet à Annecy, d'aller. Voilà, moi c'est vrai que pendant très longtemps, quand j'allais au festival, quand je voyais un film qui me plaisait, j'allais draguer les réalisateurs et réalisatrices pour qu'ils viennent déposer chez nous parce que voilà, on n'était pas forcément connus à l'époque et c'était important aussi de faire connaître ce qu'on faisait aux réalisateurs étrangers qu'ils aient envie aussi de venir tenter l'expérience. Combien de résidents par an? Ben maintenant, depuis l'an dernier, on a augmenté la partie du fonds d'aide destinée à l'animation. Donc on aide maintenant 8 courts-métrages par an, 2 développements de longs-métrages, 2 développements de séries. Et puis là, cette année, on fait 4 bourses d'écriture pour des anciens étudiants de La Poudrière. Voilà, c'est un nouveau dispositif qu'on a mis en partenariat avec La Poudrière. C'est cyclique, c'est une 3e année de La Poudrière. Voilà, quasiment. Voilà, et c'est... Donc c'est bien parce que c'est une bourse d'écriture qu'on va donner à des étudiants et en même temps ils vont avoir une résidence à La Poudrière et chez nous. À La Poudrière, ils vont être suivis par des scénaristes pendant une semaine. Pourquoi La Poudrière et pas une autre école, par exemple? Parce que ça s'est fait aussi assez simplement. Je pense qu'on est vraiment sur la même lignée d'auteurs et voilà, après, voilà, il n'est pas dit qu'un jour ça se fasse pas avec d'autres écoles aussi, quoi. C'était aussi plus simple parce qu'on se connaît bien, qu'on connaît nos méthodes de fonctionnement. Et voilà, il y avait quelque chose de logique et naturel de le faire avec eux. Combien de. Ça y est. Combien de sessions de jury par an? On a 2 sessions par an, une au printemps, une à l'automne. Donc la prochaine, le dépôt est dans 3 semaines, ce sera le 2 octobre. Voilà, si quelqu'un a encore envie d'envoyer un dossier, c'est encore possible de le faire. Donc, d'octobre, ensuite 10 novembre, il y aura, on dira, vous direz... Bastien. 24 novembre. 24 novembre, c'est ouais. Pas 10 novembre, il y a déjà les premiers... Il a la pré-sélection vers début novembre, en effet. J'ai vu sur le site, hein, c'est pas ouais. Marqué 10 novembre. 10 novembre, d'accord, ouais. Je ne savais pas, j'avais mis une date si précise que ça. Mais... Après, j'ai pu me tromper, hein, mais j'avais lu, voilà. Il me semblait... Non, c'est rangé. J'ai dû dire 10 novembre pour pas que les gens soient trop impatients, donc... D'accord. Voilà. Combien de dossiers sont reçus, pardon, excuse-moi. Une vingtaine de dossiers par session. Voilà. C'est vrai que quand on a commencé, on était à moins de 5 et petit à petit, ça a augmenté. On en prend maintenant 3 à 4 par commission. Combien sont choisis déjà dans une présélection? Ça dépend des commissions, mais c'est vrai que maintenant il y en a de plus en plus aussi. Donc en commission, on en a 5, 6, 7, ça dépend. C'est quoi un dossier qu'on envoie à Cyclique? Un dossier, on a une liste très, très longue de choses qu'on peut mettre dedans, mais on dit bien que les gens ne sont pas obligés de tout mettre. Voilà, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut que le dossier ressemble au film. Donc évidemment, scénario, storyboard ou partie de storyboard, des recherches graphiques, notes d'intention, ça c'est souvent très important. Et puis après, si le projet est accompagné dès le début par un producteur, les éléments de production, les budgets, plans de financement, filmographie de la prod. C'est pas une obligation ça, le producteur ? Pas au dépôt, mais pour passer en commission, c'est obligatoire. Donc parfois, ce qui se passe, c'est qu'on peut... Parfois, ça m'arrive aussi d'orienter des projets vers des producteurs quand je sens une proximité, notamment pour les réalisateurs étrangers. Et puis parfois, on a aussi des producteurs qui nous demandent, qui nous disent si tu vois passer des projets sans producteur. Donc on peut quand même envoyer un projet sans producteur et toi, à la rigueur, tu peux dire... Oui, ça m'arrive, ça m'arrive de dire, mais ça, c'est pour cette prod. Et j'en vois après, à eux de faire leurs affaires. Mais voilà. Il faut un producteur français, une fois qu'on passe. Ouais. Plutôt producteur français, en tout cas coproducteur français, si possible. Et puis voilà, après... Est-ce qu'il faut que le dossier ressemble à l'auteur ou à la réalisatrice? Est-ce que vous ressentez d'un seul coup de se dire, tiens, peut-être que c'est un peu casse-gueule entre guillemets, c'est pas, mais qu'est-ce qui ressort des éléments graphiques? On connaît, par exemple, je sais pas, la filmo de tel ou tel réalisateur, réalisatrice, c'est-à-dire, oui, d'accord, là c'est peut-être un peu, mais ça nous intéresse quand même, comme de donner un coup de pouce aussi à ce projet-là, plutôt qu'un projet trop déjà carré. Oui, c'est arrivé. Après, c'est aussi une question d'alchimie entre les membres, de concurrence aussi entre les projets, parce que un projet qui passe à une période ne serait peut-être pas passé la fois d'après, et parfois c'est vrai que les membres aussi ont envie de faire un peu des coups de poker, quoi, sans être sûr que ça marche, mais ils sentent parfois des affinités assez profondes avec des projets, même s'ils le sentent pas forcément prêts, pas abouti, mais ça s'est arrivé qu'il y ait vraiment des grosses envies de dire bon, on paye un peu pour voir, quoi. Combien de membres du jury ? Cinq membres votants, plus des observateurs DRAC région, voilà, qui sont nos partenaires financiers. Voilà. Quand on a une résidence à Cyclique, ça veut dire quoi en termes de temps et en termes d'argent ? En termes d'argent, il y a une subvention qui leur est donnée, qui est de maximum, on a relevé les plafonds donc depuis l'an dernier, qui est de maximum 50 000 euros par projet. Voilà. C'est plutôt pas mal. Ouais, l'idée c'était, moi j'ai toujours défendu l'idée qu'il ne fallait pas saupoudrer et donner 10 000 euros à 30 projets. Donc, il fallait plutôt donner des vraies aides qui comptent pour un film et qui deviennent déterminantes pour que le film puisse se faire. Et après, sur la résidence, on demande l'animation totale du film jusqu'à 6 mois. Parce que parfois, on a des animateurs qui ont des techniques qui vont leur prendre un an. Donc, on ne va pas forcément leur demander de se déraciner pendant un an et demi. Voilà, on n'est pas non plus des tortionnaires. Ils peuvent avoir un animateur, une animatrice qui vient avec eux. Après, ils sont vraiment libres de composer leur équipe. Donc, on a des équipes de 1 et on a des équipes de 6. Voilà, comme c'est arrivé avec Jean-Charles Fink et Sandrine Stoyanov. Donc, là, ils étaient 6 en résidence cet été chez nous. Et voilà, donc après, on leur met à disposition le matériel pour pouvoir faire le film, quelle que soit la technique. Et puis des appartements qui sont disponibles aussi à l'étage maintenant de cette nouvelle résidence. Donc on n'a pas assez d'appartements pour tout le monde, on est désolé, mais voilà, au moins certains peuvent se loger sur place aussi. Mais un vrai endroit en tout cas qui permet comme ça de travailler des techniques, même si tu as dit maintenant le dessin, donc l'animation un peu plus traditionnelle, qui passe par le dessin, arrive à Cyclique, qui a quand même cette idée de comprendre finalement le temps d'un tournage en animation, qui est des fois difficilement compréhensible pour d'autres résidences, se dire. C'est vraiment leur donner le temps de faire leur film, leur donner essayer de leur donner les conditions techniques idéales et puis des conditions de vie aussi. Voilà, parce que ce sont des gens qui ont une vie aussi à côté et c'est important qu'ils soient bien installés aussi. On peut le dire à ce micro que même si on est débutant, évidemment on a fait déjà un ou deux films, enfin voilà, on peut envoyer Cyclique et on a nos chances autant que Simone et Massy ou Gréco et Buffa justement. Oui, il y a ça pour le coup, on aide beaucoup de premiers films. Hors film d'études, bien sûr, mais parce que ça, on essaye de pas empiéter non plus sur ce terrain-là, mais de laisser les écoles tranquilles, de laisser les étudiants tranquilles tant qu'ils font leurs études. Mais on aide beaucoup de premiers films. Là, dans les prochains résidents, donc on a Eloïc Jiménez, Jumi Yoon, on va avoir Lucrèce Andréae en premier film, on va avoir Armel Merca. Ouais. Voilà, donc... Donc pas mal, donc la possibilité, vraiment... Beaucoup, oui, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de... Il y a des rencontres, je connais au moins une anecdote, il y a des rencontres assez surprenantes entre par exemple, allez, on la connaît, entre Momoko Seto et Barry Purves, par exemple. Voilà, Momoko Seto qui a pourri l'été de Barry Purves, dans tous les sens du terme, parce que, donc voilà, elle faisait pourrir des choux, des choux-fleurs. En plein été, et Barry Purves tournait juste à côté, et les odeurs étaient un peu pénibles pour lui. Surtout Barry Purves, qui lui, par contre, voilà. Un travail très particulier, très minutieux. Très minutieux et Momoko à côté, c'était l'extrême inverse. Mais c'était drôle. Ça me raconte. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que... Oui. Alors, presque intéressant aussi dans ce lieu, surtout ce nouveau lieu, on a de plus en plus de monde et de plus en plus de gens aussi qui viennent d'univers différents. Bah, c'est aussi la rencontre entre toutes ces personnes. Voilà, et d'avoir vraiment une confrontation de travail, d'œuvre, de pratique, de vie différente. Et ça, c'est aussi ce qui fait la richesse, et pour nous et pour eux, je pense. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas dit ? Est-ce qu'il y a des choses ? On parlait du long, il y a des longs, parce que alors sur le site, par contre, oui. Je dis que c'était bien fait, mais quand on regarde les films aidés, il y a que le court. Il n'y a pas de liste de longs et de séries. Ah bah faut regarder, ou alors c'est moi qui suis vraiment un manche qui est possible. Non, mais ça peut arriver. Hein. non, il y a des longs qui ont été soutenus. Mais bon, la preuve, parce que. Voilà, en développement, l'an dernier, on a eu Pierre-Luc Grandjean, on a eu Camille Rossi et Frédéric Schaeffer pour un long produit par Folimage. Là, au mois de novembre, on aura un long d'un réalisateur lituanien qui s'appelle Thomas Tamosaitis. Et puis en série, on a eu. Vaudou Miaoud, Ousmane Serfon, Benoît Audet, Une semaine de Ferme l'œil de Claire Sichet, et puis là on en a aidé deux nouvelles, Éluic Jiménez pour Weekend et Guillaume Lorrain pour Vanille, un spécial. Justine, quand toi tu fais quand on fait du bon titre, puisque c'est l'une de tes techniques, ça fait rêver quand on entend tout ça, à la fois toutes tes possibilités, ouais. Bah, surtout que le bon titre, on est souvent isolé dans le noir du matin au soir. Et du coup, tout l'aspect rencontre et le fait d'avoir plusieurs personnes qui travaillent la même chose, c'est quand même très agréable. Enfin, j'avais beaucoup aimé, en tout cas, en sortant de l'école, d'avoir travaillé avec Alix dans le même lieu, une même technique. Ouais, de pouvoir même s'en travailler sur le même film, cette rencontre avec d'autres et même des échanges d'idées, ce genre de choses est important. Bah, ça enrichit toujours, ouais. Quand on commence, comme toi, les résidences, on se dit je vais les tenter, ou on hésite un petit peu, comment ça se passe ce lien avec Disons qu'il faut bien réfléchir le projet qu'on va envoyer, puisque c'est du premier film, donc on a toujours envie de mettre beaucoup dans les premiers films. Donc si on veut envoyer un dossier dans une résidence comme ça, c'est pas des films qu'on va faire aller en une semaine et en se disant on va envoyer quelque chose et on verra bien. Non, c'est des choses qu'on porte pendant plusieurs mois et on se dit bon, ça me semble plutôt pas mal, on va le montrer à une ou deux personnes et on va voir si ça peut le faire. Et le son. Est-ce qu'il y a des résidences? Est-ce que, je ne sais pas, quelqu'un peut amener Yann Volsi dans sa valise? Quelqu'un peut amener Yann Volsi dans sa valise, mais on n'a pas de lieu équipé pour ça. Voilà. C'est vrai qu'on aurait aimé pouvoir... avoir un bâtiment encore plus grand, mais au bout d'un moment, on doit aussi faire avec les possibilités. C'est vrai que on a eu aussi des partenaires qui ont qui nous ont aidés sur la réhabilitation de ce bâtiment. Donc c'est un bâtiment qui appartient à la ville de Vendôme. Et donc, on a eu pas mal de partenaires comme la région, la ville, la région centre, la ville de Vendôme, la DRAC, l'Europe et le Conseil général du Loir-et-Cher. Et c'est vrai que sans eux, cette réhabilitation n'aurait pas pu se faire et on n'aurait pas maintenant un lieu qui est vraiment très bien pour faire ce qu'on a à faire. Mais on ne pouvait pas. On pouvait pas en plus accueillir, ouais. Installer des studios de son. Il n'y avait pas la place, quoi. Justine disait, c'est bien les rencontres. Est-ce que tu te rappelles de rencontres un peu exceptionnelles ou de gens qui se sont rencontrés ou peut-être un film qui a un peu changé de cap suite à la rencontre de quelqu'un d'autre ou Un film qui a changé de cap, non, parce que je pense que les réalisateurs d'animation sont pas assez girouettes pour ça. Je crois qu'il y a des producteurs derrière qui n'ont peut-être pas envie que ça dérape. Mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que qu'il y a des vraies amitiés qui naissent aussi dans cette résidence. Il y a des envies de partager des choses sur des projets communs. Donc c'est toujours. Après, je tairai sur la partie privée, hein, mais... Dommage, Yann. Juste pour dire, il n'y a pas de studio son, mais vous êtes toujours relais de l'aide SACEM pour la musique ? Oui, on a une aide SACEM toujours pour la musique, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de notion d'accueil en résidence pour le travail du son. Mais donc, c'est-à-dire qu'il y a une subvention qui peut être donnée dans un des projets son ? On a des aides à la création de musique originale en partenariat avec la SACEM. Donc, on peut aider 4 projets par an. Pas forcément des films d'animation, hein, c'est une aide qui est pour tous les genres de courts-métrages, mais voilà. C'est vrai que souvent, les films d'animation ont une belle part sur cette aide. Est-ce qu'il y a un avis avis n'est pas le bon terme, je voulais pas dire conseil, mais pour faire un dossier, Justine dit, si on doit faire un film, on va essayer d'avoir une maturation par rapport à ce film-là. Est-ce que... Ce qu'elle dit est vraiment important, c'est-à-dire parce que des fois vous recevez des dossiers en disant quel dommage, la personne aurait dû attendre la prochaine session et vraiment mieux le travailler. Ouais. Oui, ça arrive. Après, c'est vrai que ce qui est bien aussi avec les réalisateurs d'animation, c'est que c'est ce que disait Justine, quoi, c'est qu'ils se mettent pas dans un projet à la va-vite. Mmh. Donc on a très très très rarement, c'est peut-être arrivé une ou deux fois depuis 15 ans, mais on a très rarement des dossiers où on se dit ça a été fait en deux jours et c'est pas réfléchi, quoi. Mais on sent qu'il y a vraiment des mois de travail tout le temps derrière. Mais c'est vrai que parfois on peut sentir malgré tout une espèce d'envie d'aller un peu trop vite et on sent que le projet est pas prêt. Et autant il y a quelques années quand on avait moins de dossiers envoyés, on pouvait aller aussi vers ce genre de projet parce qu'il y avait moins de choix. Maintenant, ça devient un peu plus compliqué. Donc, la concurrence est plus dure et ces projets-là ont du mal à passer. Je ne sais pas si on a fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions autour de la table. Je ne sais pas si Eric, on ne peut pas te garder trop longtemps. Et c'est déjà merci infiniment d'être venu parce que tu reprends le train. Donc, on va te laisser partir. Est-ce qu'il y a une question ? Je ne sais pas, Justine, Yann, Rémi. Pas forcément de questions, ils sont sous l'emprise peut-être. Oui, juste quand le projet arrive, il est déjà animatique bouclé ou l'animatique est faite Ce qu'on demande, c'est le storyboard ou le storyboard d'une séquence, mais parfois il y a des projets où il n'y a pas de storyboard. L'animatique, c'est très rare qu'on ait une animatique, même si de temps en temps on peut avoir pareil. Donc ça se fait sur le temps de la résidence Non, ça va se faire après, entre le moment de l'aide et le moment de la résidence. Parce que c'est vrai que sur la résidence, on est sur le court-métrage, on n'est pas du tout dans la pré-prod. On est vraiment sur l'animation du film. C'est ce qu'on demande, en tout cas, même si parfois on a des gens qui veulent rester un peu plus longtemps. L'an prochain, on va avoir un couple d'Américains. Ils nous ont demandé de venir faire aussi les décors et les marionnettes de leurs personnages en résidence. Donc ils vont rester plus longtemps. Mais nous, l'exigence qu'on a, c'est l'animation du film. Donc après, il y a toujours un temps de latence entre l'aide et la venue en résidence de 6 mois à 1 an à peu près. Le temps au réalisateur de préparer vraiment la production de son film et puis au producteur de monter le financement. C'est le nerf de la guerre aussi. Une dernière chose ou quelque chose qu'on n'aurait pas dit ? Une dernière chose en tout cas, voilà. Dites-le. Dites-le, oui. Merci Yann. À partout. Donc, Eric. Non, une dernière chose, c'est si les gens veulent encore venir soit en professionnel, soit en public, faut pas hésiter. Pour les professionnels, vous pouvez vous inscrire ou me contacter. Voilà, à mon adresse mail qu'on peut trouver sur le site. Vas-y, redis-la en direct. Eric.regino@cyclique.fr. Voilà, il y a un animabus du même principe que ceux organisés par l'AFCA qui part de Denfert Rochereau à 11h du matin, je crois, et qui revient après la séance Phantom Boy, donc il repart de Vendôme à 23h et qui arrive vers 1h30 du matin. Mais encore, vous pouvez aussi faire que l'aller, comme on disait. Que l'aller et prendre un train vers 20h. Voilà, il y a des trains 20h, 21h, 22h le samedi. Donc voilà, il y a des possibilités. Donc il ne faut pas hésiter à s'inscrire. Et puis pour le public, il ne faut pas hésiter à venir aussi. Voilà, il y a peut-être des gens de Vendôme et de la région qui écoutent Radio Libertaire aussi. Mais oui, ça s'écoute dans toute la France. Donc, faut pas hésiter à venir nous voir et puis à découvrir. C'est vrai que ça intrigue pas mal les Vendômois, ce nouveau lieu et cette nouvelle boîte en acier qui est posée au milieu de la ville. Oui, hein, qui a l'air assez étonnant. Un coup de cœur, pas un film préféré, hein. Un coup de cœur ou d'auteur ou d'un film que vous avez aidé dans les raisons cycliques de toi, d'Éric Regino, encore une fois, pas forcément... ton film préféré, mais quelque chose, t'es vraiment content de te dire, ah, c'est bien qu'on ait aidé ces auteurs, c'est bien qu'on ait aidé ce film-là. Moi, chacun, dans les tout derniers qu'on a aidés, il y avait notamment qui est moins vu que les autres, donc je vais pas. Il y en a certains, je vais pas en parler parce que ça y est, ils deviennent un peu des évidences, mais le film Leftover de Tibor Banowski et Zsarolta Szabó, j'étais excité comme une puce quand j'ai reçu le dossier. Et c'est frustrant de se dire, tu ne votes pas et t'as plus qu'à attendre de voir ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'était un dossier, quand je l'ai eu dans les mains, je me suis dit, mon Dieu, quoi, je suis content de l'avoir, ce projet, j'espère qu'il va passer, j'espère qu'ils vont venir. En plus, ça faisait un bout de temps que je courais après Tibor, depuis que j'avais vu Mictis en festival. Et donc ça faisait 6-7 ans que j'essayais de le faire venir. Et puis voilà, donc... Puis quand le film a été aidé, c'était une grande joie. Bonheur. Et puis le film est terminé maintenant et je suis très très fier de le voir quoi, et de le montrer. Éric, merci infiniment. On te laisse partir. Merci infiniment d'être venu nous parler. Cyclique, c'est intéressant. Et puis moi j'aime bien, on parle souvent de résidence et c'est vrai que c'est agréable d'avoir quelqu'un qui vient nous en parler. Pour mieux comprendre aussi des fois les arcanes. Des fois, on a toujours l'impression que c'est compliqué. On se rend compte que c'est aussi des coups de cœur, c'est aussi des envies et que c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Et c'est important. Avant, on va te laisser partir. On va faire une petite pause musicale. On va écouter, vous avez déjà eu droit, mais voilà, un morceau qui s'appelle Dream Lover. Je vous refais le coup de la dernière fois. Non, allez, je vous dis qui c'est qui chante, Kevin Spacey. Et on revient après pour parler animation, notamment avec Justine et Yann. Merci, tout de suite. A dream lover will come my way. A girl to hold in my arms. I know the magic of her charms. Because I want a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. So true, and a hand that I can hold to feel you near as I grow old. Because I want a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Someday I don't know how, I hope that she'll hear my plea. Some way, I don't know how, she'll bring her love to me. Dream lover, until then, I'll go to sleep and dream again. That's the only thing to do, till all my lover's dreams come true. Because I want a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Dream lover, to sleep and dream again. That's the only thing to do till all my lovers' dreams come true. Because I want a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Please don't make me dream alone. I beg you, don't you make me dream alone. No, no, I don't want to dream alone. Come on, my darling, don't make me dream alone. Justine, c'était quoi qu'on écoutait donc ? C'était Kevin Space. Pour le film, c'était Beyond the Sea, c'est ça ? Le film, c'était, voilà. On continue à boire ce petit vin. Vas-y Yann, tu peux nous dire ce que c'est comme petit vin alors ? Alors c'est la cuvée spéciale de Karim Vionnet, qui est un beau joli village de 2010. Tout nature, sans engrais, sans pesticides, sans rien du tout. On peut en boire jusqu'au bout de la nuit, au bout de l'émission. Au moins au bout de l'émission. Justine, avant les SAT, il y a déjà l'envie de faire de l'animation. Avant les SAT, le DMA ou non, avant les SAT, avant d'arriver au bac, avant d'arriver au lycée déjà, les SAT. Bah oui, forcément, parce que je suis arrivée à les SAT, donc il y avait quand même cette envie de... Il y avait déjà l'envie du DMA, en fait, ouais. En arrivant à les SAT. Si je suis rentrée à les SAT, c'est pour aller en DMA. D'accord. Donc c'était histoire d'être déjà dans la maison pour... Donc déjà, donc, cette envie, elle vient d'où, cette envie d'animation? Des portes ouvertes. C'est un peu bateau à dire, mais souvent c'est quand on voit les gens parler de leur travail, de voir les travaux, que ben il y a des rencontres qui se font, et en l'occurrence c'était le DMA quand j'étais en quatrième, je pense. Donc c'était plutôt traditionnel, c'était plutôt ensuite pour faire les gobelins. Oui, mon gros plan c'était je rentre en DMA, je fais les gobelins, je suis animatrice à Disney et je vois mon nom dans un générique où il y a 10 000 personnes et je serai ravie et j'ai... Et voilà. Qu'est-ce qui a tout changé ? Parce que finalement, alors à moins peut-être que tu vas devenir... Ce qui a tout changé, c'est de rentrer en DMA et de voir vraiment ce que c'est. Enfin, les portes ouvertes, c'est une vitrine, mais une fois qu'on rentre et qu'on a vraiment l'enseignement, qu'on nous parle vraiment de cinéma, qu'on essaye des techniques autres que le dessin papier, là, il y a des choses qui se passent que tu peux pas prévoir. Enfin, c'est... Alors bon, beaucoup de gens savent que je suis prof au DMA, donc je t'ai eu aussi en élève. Je me rappelle de moment donné où ça sentait vraiment le cramé dans toutes les salles. Oui, ça devait être fin de première année où on avait un peu carte blanche pour un mini pro-pro, un premier projet personnel, et du coup j'avais envie d'essayer du papier brûlé, donc j'avais ramené mon fer à souder et je brûlais feuillet par feuillet et tous mes camarades m'ont haï au moins pendant 48 heures parce que ça puait le cramé dans la salle. Il y a ce plaisir que tu trouves donc de la matière. Oui. Ouais, c'est vraiment important ça. De voir comment les matériaux vont réagir, si je brûle, si je mouille, si je mélange avec d'autres choses. Le plaisir du papier aussi ? Bah, surtout le papier. Enfin, c'est une matière que j'aime bien triturer. Enfin, souvent, quand on faisait de l'animation traditionnelle, j'étais plus fascinée par toutes mes feuilles de papier qui superposaient que l'animation que j'étais en train de faire. Parce qu'on superpose une feuille sur une feuille sur une feuille, rétroéclairée. Et du coup, je trouvais ça beaucoup plus beau, le papier qui se superpose que l'animation que j'étais en train de faire. Donc... Il y a des auteurs que tu aimes bien, des réalisatrices ou des réalisateurs, d'un seul coup, que tu vas découvrir en animation déjà et qui vont te faire oh, « Ah ouais, là, j'ai envie d'aller là. » Ou non, c'est vraiment... Ce qu'on disait, je reviens sur ce plaisir de matière avant tout. J'ai assez peu d'auteurs en tête là tout de suite. Ouais, c'est. Mes grosses rencontres c'était plus en prise de vue continue qu'en animation. Après, je vois un film, je fais waouh, c'est impressionnant, mais ça va pas me marquer au point de le revoir encore, encore et encore. Alors Nicolas, est-ce qu'on peut écouter on va écouter juste des petits extraits. Hein. Est-ce qu'on peut écouter un petit extrait normalement ? Ça doit être la piste 6. Right, I want you to take three of these now. Take three around 7 this evening. Three before you go to sleep. And three when you wake up in the morning. Yes, doctor. Now, can I trust you to do that? Have I got to sit here and watch you? Every fairy tale needs a good old-fashioned villain. You need me. Or you're nothing. Because we're just alike, you and I. Except you're boring. You're on the side of the angels. Up to the jury, of course. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, le premier morceau et le second morceau ? Enfin, le second... Le premier morceau, c'était Jeremy Irons, dans Dead Ringers, un film de Cronenberg, film que j'ai étudié longuement, en long et en travers, pendant ma seconde année en DMA. Et le deuxième extrait, c'était Moriarty dans Sherlock. Donc, j'ai un tournu mensuel. Andrew Scott, je t'aide sur l'acteur. Si j'ai passé ça, c'est parce qu'il y a, tu le disais à l'instant, un vrai plaisir aussi du cinéma, de prise de vue continue, des acteurs. C'est ce qui est aussi à la base, aussi bien du titre que de Fish, dont Need Sex, qui est ton film de fin d'études. Bah, surtout des Dringers. Mais le titre de Fish, ça vient de ce film-là. Mais en effet, oui, j'ai un plaisir particulier à voir les acteurs mis en scène et le jeu entre un réalisateur et son acteur. Et je pense que tu aurais pu mettre Jacques Gamblin après, parce que ça, c'était très bien avec Paris ensuite. Mais je vois pas ce que tu veux me faire. Fish Don't Need Sex, en fait, je voulais en venir sur la méthode de fabrication, oui, que vous verrez, hein, il est en ligne, je suis désolé. Nicolas m'a fait remarquer qu'en effet, je ne l'avais pas fait. Je le referai en mettant en podcast cette émission. Fish Don't Need Sex, donc Fish Don't Need Sex. Justine Vulstecker, c'est V-U-Y-L-S-T-E-K-E-R. Voilà, Vulstecker. Hein. Bravo. Justine et Fish Don't Need Sex, vous pouvez le voir directement en ligne. La fabrication passe aussi par le plaisir du cinéma et de prendre des extraits de films que tu aimes. Bah le film est en rotoscopie. Donc il y a toute la base du film, c'est des extraits de films que j'ai vus et que j'ai appréciés et dont j'ai retiré certains extraits. Du coup, il y a ces acteurs qui sont quand même à la base du film, même si après je retravaille, je redécoupe, je recadre, tout ça. Mais... Et le plaisir du montage, le plaisir d'avoir une scène et de se dire d'un seul coup, ah tiens, là cette autre scène-là va être bien. Et de... Le montage s'est fait une fois que mes scènes étaient terminées en animation. J'ai pas sélectionné les scènes et je les ai pas montées d'abord figées avec mes acteurs, mais j'ai d'abord pris une scène, je l'ai fait en animation, et une fois que toutes mes scènes étaient plus ou moins faites, je les ai redispatchées et remontées un peu comme je le sentais. En DM, on n'est pas obligé de terminer son film, c'était important pour toi de le terminer? Ou ça s'est fait comme ça? Le film est... Comment dire? Il est basé sur une musique qui est assez courte, d'une minute trente, donc je me suis dit, une minute trente, c'est faisable. C'est pas une entreprise très compliquée à achever. Et j'avais envie d'avoir un outil fini que je pouvais... Enfin, un objet fini que je pouvais montrer, ne serait-ce en festival ou sur Internet. Ou... C'est quand même plus parlant de montrer quelque chose de fini que des extraits où on n'arrive pas à se projeter sur... Une envie de réalisation, une envie de cinéma, tout ça. Donc. Ce qui fait qu'au bout de deux ans, tu tentes pas les gobelins? Ah oui, non, j'avais décidé de pas tenter les gobelins au bout de deux semaines, je pense. J'avais compris que c'était pas... Mais même, tu tentes aucune école, en sortant, non, finalement. Ouais. Tu tentes que en sortant de l'école? Tout à fait. Il y a La Poudrière qui s'est longtemps... Il y avait une interrogation sur... C'est une école de réalisation, enfin, qui est présentée comme une école de réalisation, et donc, c'est ce que j'avais envie de faire, donc je me suis dit, bah, c'est la suite logique. Et... En parlant avec les gens qui y sont, et même le programme, ce genre de choses, c'était pas forcément ce dont j'avais envie. Donc j'avais envie de sortir du système scolaire et de me lancer dans un film en tant que réalisatrice. Donc là, c'était un film de commande, en l'occurrence. Et donc, en sortant de l'école, Nicolas, tu dois avoir donc sur la clé USB, normalement, c'est le film en entier. Et ben allons-y donc pour Paris. En générique, donc 2 minutes 40. En générique, donc c'est parti. Paris, Robert Desnos. Pas encore endormi, j'entends vos pas dans la rue. Homme qui vous levez tôt. Je distingue vos pas de ceux de l'homme attardé, aussi sûrement que l'aube du crépuscule. Sans cesse, il est des hommes éveillés dans la ville. À toute heure du jour, des hommes qui s'éveillent. Et d'autres qui s'endorment. Il est, pendant le jour, d'invisibles étoiles dans le ciel. Les routes de la Terre où nous ne passerons jamais. Le jour va paraître. J'entends vos pas dans l'aube, courageux travailleurs matinaux. Le soleil se pressant déjà derrière la brume. Le fleuve coule plus nonchalamment. Le trottoir sonne sec sous le pas. Le son des horloges est plus clair. Viennent l'indécis mois de mars et les langueurs du printemps. Tu te lèves. Tu t'éclaires. Tu éclates. Figure de pavé et de cambouis. Ville. Ville où je vis. Paris. Donc, Bulle de rêve, vous entendiez la bande-son de Paris avec Jacques Gamblin. On va demander à Justine Wilstecker, la réalisatrice, de nous en parler. Justine, tu te rappelles la première rencontre avec Justine sur en sortant de l'école, ce qu'elle... Tu sentais qu'il y avait déjà des choses qui étaient précises dans sa tête. Enfin, comment c'est passé? Bon, je vais être très franc, la première rencontre, c'est avec les 12 autres. Donc, c'est... tu ressors de deux jours de discussions intenses, tout n'est pas forcément très clair. Mais ce qui était déjà évident et qui éventuellement pouvait poser un problème dans le projet de Justine, c'est qu'elle voulait pas de musique a priori. Or, la cible, on va dire, de la collection étant plutôt les enfants, on disait, la musique, est-ce qu'il peut y avoir un des films sans musique? Est-ce que ça peut poser problème? Et puis, dans les attentes de Justine par rapport à l'univers sonore, j'entendais beaucoup de choses que j'entends régulièrement qui sont ce que j'appelle les fantasmes des réalisateurs. Ce qui c'est formidable, hein, d'avoir des fantasmes, mais c'est parfois des choses qui sont pas réalisables ou qui correspondent à une fausse idée de comment on fait du son pour l'image, pour la télé, le cinéma ou la radio d'ailleurs. Je vais laisser Justine en parler. Bon, et puis après, il y a eu un petit peu de discussion. Il y a eu des tentatives de la ramener vers quelque chose de plus classique. Et puis quand on a vu les premières images vraiment avancer de son film, moi j'ai arrêté de discuter. Je lui ai dit, moi je fais ce qu'elle veut. Voilà. Ça a été dur de parler de son. Oui, ça a été compliqué de. En DMA, on n'a pas forcément ce dialogue autour du son. En plus, j'avais travaillé sur une musique déjà toute faite sur mon film de fin d'études, donc c'était la première fois que je donnais à quelqu'un des intentions et que j'espérais une bande-son en retour sans forcément savoir comment lui parler. Donc il y avait évidemment, je pense, des fantasmes. Je dis là, bon, il va me faire. Et c'était pas possible. On était deux aussi. Oui, c'est vrai, avec Julien. Du coup. Donc le son a été compliqué. Par contre, l'image. Pareil, moi je suis venu, on peut le dire, il y avait un moment donné qui était drôle, tout le monde passait, tu avais ce film qui fait 2 minutes 40 et il y avait 40 secondes. Où c'était écrit abstrait sur mon animatique et c'était juste écrit abstrait en toutes lettres, en disant mais vous allez voir, je vais vous faire une partie abstraite, ça va être très très bien. Ça c'est dur quand on travaille avec, alors heureusement il y a une productrice Delphine Meury qui est plutôt ouverte, mais quand même on travaille avec la télé, on travaille avec des gens de France Télévisions, pareil, qui sont ouvertes, mais quand même, comme on disait, il y a une cible, enfin ça, c'est compliqué ou... Je pense pas que dur soit le mot, parce que, en fait il riait jaune un peu, donc t'avais l'impression que ton projet, ben il était pas, voilà, il s'en moquait un peu, et c'était ça qui était plus difficile plutôt que de dire, mais si, vous allez voir, ça va être génial. C'est juste qu'il, bon, il rigolait, et puis il passait au projet suivant, et l'animatique, là, était nickel, et du coup, il disait, oh, ça, c'est génial, ça, c'est très bien. Et toi, t'avais un projet qui allait aboutir dans 2 ou 3 mois, ou, enfin, disons que ça s'amusait sur le long terme, plutôt que la vision immédiate de ce qu'on pouvait... Et comme Yann, dès qu'ils ont vu peut-être des images, tu travailles, alors, pareil, alors Paris, vous pouvez voir quelques images dans la bande-annonce, hein, donc Salsifis du Bengale et autres poèmes sortira donc le 30 septembre. Toi, tu travailles sur du papier découpé, là. Papier découpé, sable, des végétaux que je rajoute dans les décors. Dès qu'ils ont vu les images, il y a eu quelque chose de plus évident. C'était plus parlant, ouais. Évidemment, oui. Puis le bon titre a une magie particulière, donc même dès qu'ils venaient nous voir travailler, qu'ils voyaient le papier en vrai, les végétaux en vrai, le sable en vrai, ils étaient... Waouh, ok, d'accord. Bon, il est toujours abstrait pendant 40 secondes, mais ah, les décors sont... Ah, ok, d'accord. Tu viens de Lille, pourquoi ce poème sur Paris, c'est une ville que t'aimes bien ou Oui, mais que j'ai beaucoup fantasmé en fait. Je me rends compte que c'est une ville que j'aimais sans l'avoir rencontrée ou sans avoir marché dans la ville. Je savais déjà que je l'aimais bien et effectivement je l'aime bien. Quand on aime les acteurs et quand on a quelqu'un comme Jacques Gamblin qui est plutôt un acteur, voilà, un bon acteur que tu connaissais pas forcément et plus connaisseuse des acteurs anglo-saxons, des acteurs français, mais quand même ça doit être une belle rencontre. Complètement. Il a complètement incarné le personnage que j'espérais. Et là, pour le coup, c'était vraiment très émouvant de le voir dire les mots d'un poème que j'avais travaillé pendant plusieurs semaines. Enfin, c'était... Mais vraiment de le voir, parce qu'il avait des gestuels qui, je pense, qui ont inspiré ma partie abstraite sans vraiment que je m'en rende compte. Mais avec ses mains, il posait des choses. Et du coup, ça, dans le rythme et dans la manière dont j'imaginais cette partie abstraite, je pense qu'il y a des choses qui se sont décidées à ce moment-là, quand je l'ai vu réciter le poème. C'est un film de comment, mais c'est un film qui, tu penses... Alors, t'es toute jeune, hein, donc pour l'instant, t'es encore on va en parler dans des projets, mais c'est le genre de film qui est des rencontres qui marquent d'un seul coup d'avoir des gens alors comme Yann et Julien qui travaillent le son, c'est-à-dire qui t'apportent autre chose, d'avoir des gens comme évidemment Jacques Gamblin, ça c'est des choses qui marque pour la suite. Bah forcément, enfin c'est les gens te prennent au sérieux, les gens te font confiance, tu dois mener un projet jusque à son terme, t'as pas le droit de dépasser la deadline, donc c'est évidemment des projets qui permettent aussi de prendre confiance en soi-même parce que les gens te font confiance et du coup quand tu réussis le challenge, bah t'en es fier, c'est voilà. Quoi après en sortant de l'école? Qu'est-ce qu'il y a là dans les tuyaux de Justine Wulstecker pour la suite? Est-ce qu'on a envie d'aller plutôt vers des studios pour être un peu tranquillisé? Est-ce qu'on se dit, non, je vais continuer le cours, en sachant évidemment que c'est complexe? Non, continue dans le court-métrage. Et pour l'instant, pas d'envie de rentrer dans des studios. J'ai vraiment envie de continuer d'écrire mes projets. Donc il y en a deux qui sont des projets que j'initie. Après, je travaille aussi avec un scénariste qui, lui, va m'apporter son histoire et moi qui vais amener l'aspect visuel. Et mais il y a l'écran d'épingle sur lequel je vais travailler en décembre. Donc ça, c'est une partie très spéciale à l'intérieur de mon futur. Donc oui, Carté a été... Donc le fameux stage d'écran d'épingle, on en a parlé ici régulièrement, c'était à un moment donné très important. On vient d'en parler encore une fois avec Eric. Tu as fait partie de ce petit groupe qui a pu travailler l'écran d'épingle avec Michel Lemieux. C'était un moment... incroyable. Bouleversant, on est tous bouleversés, on a tous très envie de remettre les mains dessus, donc je veux pas trop m'avancer aussi, c'est un outil où c'est difficile d'anticiper, on peut anticiper un petit peu, mais en ayant eu à peine 3 jours, c'est difficile de se monter des projets, tout ça, donc il faut vraiment prendre le temps de travailler dessus, de voir comment on peut le travailler, là où on peut l'amener, là où on peut pas l'amener. Et donc, je parlerai sûrement mieux dans plusieurs mois, une fois que j'aurai pu travailler dessus. Dernière question, est-ce qu'il faut être un peu fou aussi pour faire de l'animation? Est-ce que là, tu te dis comment je vais faire pour gagner ma vie? Ou être jeune et avoir des parents qui acceptent de vous prêter le salon et de l'envahir? Enfin, je me dis que... Mais j'ai fait que 2 ans d'école, qui plus est gratuite. Donc je me dis... Bon, j'ai pas demandé à mes parents d'argent pour payer les écoles. Et ils acceptent et ils apprécient de me voir travailler tous les jours. Et ils sont vraiment très curieux de ce que je fais. Donc je peux profiter de ce lieu pour essayer des choses, une sorte de petite résidence à la maison. On n'a pas le temps, hein. J'aimerais passer du temps avec Yann Volsi. Donc voilà, merci beaucoup. Justine, on est obligé de faire un peu court, mais elle reviendra parce que j'en suis persuadé, elle a une grande carrière et c'est pas moi qui le dis, hein. Des gens comme Delphine Maury qui l'ont rencontré ou d'autres disent à quel point elle a du talent. Alors en sortant de l'école et une pépinière de talents, hein, mais voilà, je suis persuadé, voilà, que vous reverrez, que vous entendrez de nouveau Justine Vulstecker, et elle a de la chance, elle est passée à Radio Libertaire, c'est bien mieux que ces deux compatriotes Charlotte et Gabriel qui ont passé à France Culture avec Delphine Maury. C'est nul France Culture, Delphine est venue ici et c'est bien mieux de venir ici que là-bas, donc merci beaucoup d'être venue. On va replonger dans l'univers de Diane Volsi avant, dans la dernière demi-heure, avant de parler avec lui de son travail. Et je retrouve mes petits papiers. On va revenir, évidemment. Ça y est, je suis un peu perdu, mais ça tombe bien. On va revenir au tout début du travail dans l'animation de Diane Volsi. Ça va durer 2 minutes 10. Et d'un réalisateur qui, depuis, a fait un court-métrage, Julien Bissaro. C'est L'œil du cyclone qu'on va entendre en entier, 2 minutes 10. Et ensuite, on viendra parler voilà, une demi-heure avec Diane de son travail. À tout de suite. Voilà, Radio Libertaire, bien sûr, Bulle de rêve, l'émission 100% image par image. Depuis tout à l'heure, on entend les très belles musiques de Diane Volsi. Diane, on a entendu, on en a parlé, son travail, et travaille notamment sur En sortant de l'école, la deuxième et la, de nouveau la troisième collection, donc Desnos puis Apollinaire. Monteur son et compositeur, c'est ce qui est marqué en tout cas sur son CV. Donc voilà, création sonore depuis 1997. Donc j'étais pas très loin quand je disais presque 20 ans. Professionnellement, oui, depuis même 96. Ça, hein, donc ouais, donc ça fait 20 ans. Ah oui, oui, ça marche. L'année prochaine, hein, c'est quelle formation avant de commencer à créer? Alors on va le voir plutôt dans le jeu vidéo. Formation scolaire, tu veux dire? Ouais. C'est l'image en général, c'était j'ai fait une formation qui s'appelait conception audiovisuelle. Ça s'appelait une MST, maîtrise des sciences et techniques de l'audiovisuel. Ok. Tu nous as fait peur d'un seul coup, là. Oui, j'ai chopé une MST en 92. Et donc, c'est quelque chose que tu as envie de faire, de travailler donc rapidement. Tu étais musicien déjà à la base, depuis tout petit. Oui, la musique, c'était toujours là. Mais comme souvent, un hobby. C'était pas du tout académique. Pas d'études en particulier, des cours de temps en temps, mais vraiment plutôt parcours autodidacte. Et ça m'a rattrapé un peu malgré moi. Oui. Et alors pourquoi c'est pas évident, parce que les premiers noms qu'on voit, alors il y a quelques documentaires. Alors non, d'abord plutôt, j'exagère, parce qu'en fait, quand j'ai regardé, ce que je savais pas de toi, je te connais plutôt au niveau de l'animation, création pour musicale, pour la scène et le théâtre au tout début. La scène, plutôt. Le théâtre et le multimédia. Et le multimédia, jeu, ouais. Et le jeu vidéo. C'est étonnant ça, parce que ça n'a rien à voir, non? Le théâtre et le jeu vidéo? Ouais. En fait, si, parce que les deux, c'est du son interactif. Explique-moi. Bah, dans un jeu vidéo, il n'y a pas de maîtrise sur les événements sonores, c'est le joueur qui va déclencher les événements. Et dans le théâtre, tout est aussi découpé et séparé pour suivre ce qui va se passer tous les soirs. T'as pas de grande composition non plus au théâtre, des choses comme ça. C'est la bande-son qui s'adapte plus au jeu des comédiens que l'inverse. Qu'est-ce qui te fait aller plutôt à un moment donné vers plutôt le montage son? Je sais que par exemple sur ton CV, c'est marqué en premier, même plutôt que la composition, alors que on l'a entendu, tu fais les deux. En fait, j'ai vraiment le besoin des deux, parce que j'adore travailler le son et j'adore travailler la musique. C'est des choses assez différentes dans la façon de travailler. Il y a peut-être un petit peu moins d'angoisse de la page blanche quand on travaille le son. Il y a peut-être un petit peu moins de choses de l'ordre des tripes personnelles, de la peur de pas trouver les idées. Mais si je suis 6 mois sans faire du son, ça va me manquer terriblement. Si je suis 6 mois sans faire de la musique, ça va me manquer terriblement. Donc, par contre, on est très vite catégorisé dans l'un ou dans l'autre. Compositeur, c'est un métier. Quand tu es compositeur, tu es auteur, tu es artiste. Quand tu es monteur son, tu es technicien. Que ce soit pour le cinéma, le théâtre ou autre. Donc ça n'a pas tout à fait la même valeur pour les gens. Et les gens voudraient d'abord mettre en avant le côté compositeur. Alors moi, je veux que les deux existent à égalité. Sauf en animation, c'est vraiment pas le cas. L'artiste qui fait le son, enfin, on peut vraiment appeler ça artisan comme on veut, mais en tout cas, c'est fondamental. Quand je dis que c'est sur technicien ou artiste, c'est vraiment purement sur un plan technique. Oui, enfin, au niveau des papiers qu'on remplit, c'est ça. Ouais. Donc, parce que là, il y a une importance qui est fondamentale en animation du son, justement, de la création du son. Ça l'est dans tout le cinéma, dans tout le théâtre. Les gens ne le savent pas, mais même pour le cinéma en prise de vue réelle, il y a un énorme travail de refabrication du son qui est mené. C'est une des discussions qu'on a eues avec Justine sur son projet, c'est que par exemple, si elle a pu aimer Paris par le cinéma, le son de Paris dans le cinéma n'est pas le son de Paris quand tu te balades dans Paris. On en parlait tout à l'heure dans ce texte de Michel Chion dans Le Promeneur écoutant, qui explique que aujourd'hui, pour entendre des sons de la ville qui sont autre chose que des voitures, il n'y a qu'un moment, c'est en plein milieu de la nuit. Parce que sinon, tout est couvert par les voitures. Donc juste de manière très concrète, Justine et ensuite de nouveau Yann, comment s'est fait le dialogue? C'est-à-dire, est-ce que tu avais des choses très précises? On a entendu Paris, donc là les gens l'ont en tête. Il y a des choses précises, t'as dit ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Ou alors s'il y avait un côté plus... Je crois que ce que j'avais demandé, c'était un son qui devient musical pendant la partie abstraite, quelque chose comme ça. Et donc il y a Julien qui était à la pêche au son dans la ville, qui captait des sons par-ci par-là, et ensuite vous m'avez proposé une composition sonore sur toute la durée du film qui me semblait un peu trop chargée. Du coup, je dis ce son-là j'aime bien, ce son-là j'aime bien, ce son-là j'aime bien. Mais globalement, tout s'est fait quand on s'est rencontrés une journée dans le studio de Yann, et où on pouvait voir, enfin, où on a vraiment discuté ce son-là, non, ce son-là, oui, celui-là, bien, ah ok, très bien, on prend cette ambiance-là, et enfin, je pense qu'il fallait qu'on soit ensemble au même endroit. Mais c'est-à-dire que du fait de sa jeune expérience, il manquait peut-être à Justine le par rapport au son, cette conscience que le son, c'est en cinéma, c'est de la triche, absolument de la triche, parce qu'un micro, ça capte absolument tout et ça fait pas le travail que font nos oreilles à nous, qui sélectionnent énormément les choses quand on se balade. En fait, on passe plus de temps à filtrer, notre cerveau passe plus de temps à filtrer et enlever les éléments qui nous embêtent qu'à entendre l'ensemble. Sinon, on serait submergé en permanence de son. Le micro, lui, il est submergé en permanence, il fait pas ce choix. Donc, dès que tu fais une prise de son en ville avec un micro, pour un détail qui t'intéresserait, une petite clochette d'une porte qui s'ouvre dans un magasin, une fontaine qui coule dans un parc, tout ça est complètement immergé dans l'ambiance de la ville. Et du coup, ça peut donner cette sensation que c'est très chargé, et que, parce qu'il n'y a pas eu ce travail de nettoyage par le cerveau. Donc ce qu'on a fait avec Justine, c'est qu'on a refait, c'est recréer une bande-son, c'est ça, c'est refaire ce travail de nettoyage, sachant qu'en plus, son pari fantasmé à elle, c'était un peu celui de Desnos, c'est une balade d'un écoutant qui en plus qu'elle a transformé en aveugle, donc qui on a fait un personnage qui on dit malvoyant, hein, pardon, qui se promène avec sa canne. Alors ça posait des questions: est-ce qu'on fait le son de la canne, est-ce que lui il entend ses pas, est-ce qu'il entend sa respiration, est-ce qu'il mais non, ce qu'il devait entendre c'était la ville, et en plus c'est une ville décrite par Desnos qui est un Paris de 19 des années 30, donc pas du tout aussi pollué qu'aujourd'hui par la voiture. Donc voilà, tout ça c'était un petit challenge vraiment super intéressant, quoi. Est-ce que tu dis, quand tu dis sa jeune expérience, c'est vrai, est-ce qu'il y a quand même des gens qui ont du mal, même après 4-5 films avec qui tu as travaillé, qui ont du mal encore, c'est les gens de l'image, à discuter avec les gens du son et d'avoir la même parole? Ce qui est assez étrange, c'est que souvent les réalisateurs disent qu'ils ont du mal à parler de musique parce qu'ils sont pas musiciens, alors qu'on est. C'est vrai qu'ils sont pas. En France, on porte l'idée, notamment par l'enseignement, que la musique, il faut forcément avoir fait des études de musique pour parler de musique. Mais tout le monde écoute de la musique, tout le monde a des choses qu'il aime en tête, tout le monde peut parler de telle ou telle musique, de tel morceau. Le son, personne n'a de repère. Il n'y a aucune éducation qui est faite sur le son, sur l'écoute. L'école ne nous met jamais en position d'écoutant du son. On peut être écoutant de la musique un petit peu. On va apprendre à reconnaître un accord majeur d'un accord mineur, un son de flûte d'un son de trompette. Mais le son, c'est quelque chose qui est... Donc finalement, que ça soit effectivement un jeune réalisateur ou une jeune réalisatrice de 20 ans ou un réalisateur plus chevronné de 40 ans, lui, c'est dans l'expérience de ses films qu'il va avoir acquis quelque chose, mettre dans cette position d'écoutant et de discriminer, d'avoir une écoute critique du son. Il y a le cinéma aussi. Il y a quelques cinéastes qui ont, notamment quelques-uns en France, qui ont beaucoup écrit le sonore. Jacques Tati, Bresson, René, des gens, et puis aussi beaucoup d'Américains, beaucoup d'Asiatiques qui ont créé. Mais bon, il y a très peu de vocabulaire, encore moins que pour la musique, pour parler des sensations du sonore. C'est des choses que tu peux utiliser, ça, par exemple des films, je sais pas, pour Justine, pour En sortant l'école, hein, les autres, où on va parler un petit peu d'autres films que tu as fait, en tout cas, tu peux d'un seul coup dire, est-ce qu'on pourrait pas faire comme dans tel film, ou tiens, enfin, pas faire forcément comme dans tel film, mais donner des pistes, comme ça, là, tu étais à Fontevraud, notamment, et tu parlais beaucoup, évidemment, de Jacques Tati, dans son utilisation du son. Oui, bien sûr. Quand on n'a pas beaucoup de vocabulaire en commun, le mieux c'est de prendre des références, que ça soit en musique ou pour le son. Alors pour le musique, ça sert souvent, parfois avec un défaut qui est ce qu'on appelle la musique temporaire. Dans des réalisateurs qui ont besoin de mettre des musiques temporaires sur leurs images pour faire un montage ou quoi, et puis parfois ils se retrouvent coincés là-dedans. Donc quand ils font appel à un compositeur derrière pour une musique originale, ça peut être compliqué. Mais ça se fait peu pour le son. Et c'est... Moi, c'est vrai que des fois, moi, je pense à des... Ah, tiens, dans telle scène, tel film, il y a peut-être ça. Est-ce que c'est ce genre de choses dont tu veux parler? Et après, ça se fait beaucoup en faisant. En faisant entendre. Alors, tu vois, si je fais ça, ou alors si je fais ça. Et parfois, c'est vrai qu'on passe un peu pour des sorciers. C'est génial parce que... Ces réalisateurs, ces réalisatrices, ils passent des mois, des années à travailler comme des fous sur un film. On arrive en 15 jours, on bouleverse tout, on est à la fin, on rencontre des choses qui n'étaient pas. Est-ce que tu trouves que vous êtes trop souvent à la fin? Non, mais c'est normal d'être à la fin pour la fabrication. On est trop souvent à la fin pour la réflexion. Alors, d'autant dans l'animation où c'est un temps de fabrication qui est très long. Et on a vraiment le temps de rentrer très en amont sur un projet. Moi, ce que je dis souvent à des producteurs ou des réalisateurs que j'ai croisé pour peut-être un projet sur lequel je vais travailler, je dis, il y a un truc qui coûte pas cher, c'est de prendre un café. Après, quand on va être en studio et qu'on va fabriquer, là, ça va coûter cher. Mais voilà, c'est tout ce temps où on peut juste discuter, envisager, échanger des références. Ça, c'est du temps qui coûte pas cher et qui peut être très productif. Pour le moment où on va vraiment commencer à mettre les mains dedans. Je recite Olivier Catrin, mais il y en a plein d'autres, hein, des gens qui disent, et Didier Brunner le disent aussi, la production c'est aussi des rencontres avec des auteurs. Pareil, est-ce qu'il y a des fois où tu te dis, ouf, là je vais avoir beaucoup de mal à travailler avec cette personne parce qu'on ne s'entend pas du tout sur le son? Est-ce que ça peut arriver ou non, il y a toujours un moyen de s'entendre? C'est le cas de le dire. Bravo. Écoute, Non, enfin oui, ça peut arriver, bien sûr. Il y a des fois où c'est assez, ça peut être assez dur, quoi, parce que même si cet investissement est court, enfin moi je le vis vraiment, c'est une passion, c'est un métier passion, et j'adore rentrer dans leurs histoires. Donc c'est dur quand on s'aperçoit que le courant passe pas, mais ça reste rare. Et puis encore une fois, on a quand même du temps pour s'apprivoiser en amont. Quand on est dedans. Il faut que les choses aient été dites avant. On comprend qu'il y a un vrai gros travail avant, comme tu dis, hein, de poser les choses de manière tranquille. Et, c'est pas un gros travail, mais c'est ce que j'appelle, moi j'aime bien qu'il y ait un peu de littérature. Donc on a pris le temps d'échanger et d'écrire des choses. Note d'intention, ça se fait souvent pour la musique, mais c'est bien d'en faire pour le son aussi. De se rappeler des idées qu'il y avait avant, puis pourquoi on est arrivé sur celle-là. Quelque chose que j'aime bien faire aussi de plus en plus, et je commence à pas l'imposer, mais en tout cas le proposer systématiquement, c'est de travailler sur l'animatique, de faire un vrai travail sur l'animatique d'un film, parce que ça permet vraiment souvent de lever plein d'interrogations. C'est sur un court-métrage, c'est une journée, c'est rien dans la vie du film, et ça permet de gagner un temps fou derrière au moment de la post-production. Quand on regarde de manière très concrète, j'ai regardé, alors tu commences, si je ne dis pas de bêtises, par un gros billet de Frédéric Martin, Mille Calls. Frédéric Martin, c'est le premier, en tout cas dans la liste que j'ai vue, à part jeux vidéo, qui est l'animation, court-métrage d'animation. Mmh. Et ensuite, il y a la rencontre, je pense, importante, quand évidemment on regarde ta filmographie avec La Poudrière. Mmh. Hein, 2006, on vient de l'entendre, L'œil du cyclone de Julien Bizarro. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a plein de choses. Alors, M'échapper de son regard, on en a déjà parlé. Laszlo, Nicolas Lemay. Des séries, pas tant que ça. Moussé Boubide, mais... Moussé Boubidi. Boubidi. J'ai oublié le « i », c'est pas bien, mais Boubidi, c'était pas mal aussi. Moussé Boubidi, mais très peu, finalement, de séries. Ben oui, parce que, en fait, si tu veux, je suis rentré dans le monde de l'animation un peu par hasard. Enfin, par hasard, il n'y a jamais vraiment de hasard, mais avec là où c'est devenu concret, où je me suis dit, mais c'est là que je suis bien, c'est là que je veux être. C'était donc suite à une première collaboration avec La Poudrière, et c'était le cinéma d'animation d'auteur. Parce que la Poudrière forme des auteurs réalisateurs. Voilà. Et puis petit à petit, mon réseau s'est construit autour de ça. L'animation, il y a eu, oui, une ou deux petites tentatives avec Moussé Boubidi, c'était avec Alphanim, avec un réalisateur que je connaissais depuis quelques temps, on s'était jamais vraiment perdu de vue, le fameux Frédéric Martin, d'ailleurs. Mais je me suis très vite rendu compte que c'était pas forcément là où j'avais envie d'être. Voilà. Quand on regarde, il y a des choses complètement différentes. Alors, dans ta filmographie, si j'ai pas de bêtises, il y a pas les films d'une minute. J'ai pas vu celui, par exemple, de Marine Blanc, sur lequel il me semble que tu avais travaillé, non? C'est-à-dire, oui, c'est vrai que j'ai pas mis les minutes de La Poudrière. Oui, il y en a quelques-uns. Est-ce qu'il y a une grande différence entre ces films d'une minute et des films comme Cul de bouteille, enfin donc des courts-métrages, comme évidemment tu vas travailler, je le dis pour ceux qui connaissent, Tempête dans une chambre à coucher, Mademoiselle Kiki les Montparnasse, Le Petit Blond avec un mouton blanc, Chez moi, Beach Flags. Donc ça, c'est des films sur lesquels tu as travaillé qui sont 10, 12 minutes, souvent des choses un petit peu plus longues, voire 15 minutes pour Mademoiselle Kiki. C'est quoi la différence de composition? On parlera d'Adama sur lequel tu as travaillé. Comment on aborde un projet quand il va faire une minute et quand il va faire 1h30 de la même manière? En fait, il n'y a pas de différence. Ouais. Non. Il y a juste les variables de temps et de budget qui changent. C'est tout. Mais on les aborde absolument pareil. Ce qui est plus compliqué avec un film d'une minute, c'est qu'il faut trouver... Enfin, ça dépend des films. Il y a des choses où c'est très précis ce qu'il faut faire. Mais il faut souvent trouver une idée qui doit exister sur une minute. C'est évidemment moins facile que sur un film de 15. Quoi, que d'avoir du temps d'amener une atmosphère. Pour amener quelque chose, un système qui va se reproduire. Donc, sur une minute, il faut être très précis. Est-ce que le son, des fois, le meilleur son, c'est d'être monteur sonore? C'est horrible, parce que c'est même toi qui le dis, parce qu'en fait, finalement, c'est quand on repère pas les choses, souvent, qu'on a fait du bon boulot. Tu disais des fois, bah là, j'ai mis tel son, j'espère que vous l'avez pas remarqué, mais normalement, ça vous a influencé, en tout cas, dans votre vision, finalement, du film. Oui, ça, c'est pas évident de répondre à cette question. Ça dépend vraiment de l'esthétique des films. Il y a des films plutôt, on va dire, avec un tag expérimental, où le son a souvent une place un peu spectaculaire, parce qu'on peut se permettre beaucoup de choses. Et puis, il y a des sons, il y a des films qui sont plutôt narratifs, cinématographiques au sens narratif, une histoire bien construite, du dialogue. Et là, effectivement, le son sert plus à rendre réel. Et ça, c'est un truc absolument magique. Enfin, moi, à chaque fois, je prends mon pied avec ça, quoi. C'est qu'on ramène de la vie dans des personnages qui peuvent être deux traits. Ils sont animés, donc ils ont déjà une vie. Et puis, avec un mouvement sonore, on fait encore plus croire qu'ils sont vrais, quoi. Ça, c'est absolument magique. La simplicité. Il faut pas que ça soit à ce moment-là qu'on remarque la fabrication, effectivement. Et est-ce que des fois, la simplicité du son, c'est un mauvais terme, moi je fais pas de son, donc ça voudrait dire, évidemment, ce n'est pas la facilité, hein, mais en tout cas, ne pas en faire trop. Par exemple, je me rappelle avoir vu, j'avais vu plusieurs fois Mademoiselle Kiki et les Montparnasse, et leur passer une énième fois dans un festival, et je me suis dit, j'arrête, je le regarde pas. Mmh. J'écoute que le son. Et je me suis rendu compte que le son était très, encore une fois, était presque effacé. C'était par petites touches, il y avait des choses, et j'étais très épaté, en fait, de me rendre compte que, alors que c'est évidemment d'une grande importance, il y a une voix qui est importante, mais, ouais, qui avait un côté presque effacé, mais dans le bon sens du terme. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu me dises qu'en écoutant le film, tu aurais revu les images. Ah bah oui, bien sûr. Ça aurait défilé. En fait, c'est ça l'idée, c'est qu'à un moment donné, c'est que on dit parfois c'est le film, le son, c'est 50% du film. Ça m'énerve, ça tombe m'agacer. Je comprends ce que veut dire, mais d'abord, on a qu'en général que 2 ou 3% du budget. Mais c'est normal parce que ça va beaucoup plus vite de fabriquer du son. Et la musique aussi, ça va plus vite, hein, que surtout en animation, évidemment. Mais voilà, j'aime l'idée que c'est un tout. Voilà, c'est un tout, c'est pas 10, 20, 50, 2 ou 3%, c'est un tout, et t'entends un élément du film, un élément sonore du film, que ça soit une voix, une musique, un bruitage ou l'enchaînement de certains bruitages qui font que t'as pu mémoriser, et tu dis, ah tiens, c'est à ce moment-là du film. Là, j'aurais bien fait mon boulot. Oh, je pense que alors, pour ceux qui le verront, enfin moi, à chaque fois que j'entends, là, par exemple, en entendant la bande-son de Paris, enfin pour moi, je voyais le film. En plus, quand tu travailles avec des auteurs comme ça qui visuellement ont des univers assez forts, hein. On parle de Justine, elle est là, mais il y a Chen Chen. Je reviens sur Chen Chen parce que c'est vrai que j'adore m'échapper de son regard. Oui, c'est vrai. Le premier interview qu'on a fait il y a quelques années à Annecy, c'était sur m'échapper de son regard. Ouais, c'est vrai que il y a un travail qui est étonnant. On a envie d'un seul coup de, je sais pas, on rencontre des gens, Justine, Julien Bizarro, Chen Chen, etc., et de se dire, oh, j'aimerais bien qu'il fasse. On parle à d'étudiants, en tout cas de jeunes réalisateurs, de dire tiens, ça j'aime. Vu sa conception du son ou comment on en a parlé, j'aimerais bien quand même qu'on puisse travailler sur peut-être le prochain. Et on rappelle des fois des gens, on dit n'oublie pas, je suis là. Bien sûr, ouais. Bien sûr. C'est. Enfin bon, en l'occurrence, je ne l'ai peut-être pas fait depuis un petit moment, mais. Ou alors il y a des films, simplement, tu vois passer des films, tu dis j'aurais tellement aimé travailler là-dessus. Tu vois, c'est. Mais bien sûr que c'est, encore une fois, c'est un métier de passion, d'envie, donc voilà. Alors aller prendre le téléphone pour au culot dire à telle ou telle personne c'est quand tu veux qu'on travaille ensemble. Oui, si, j'ai pu le faire à deux, trois reprises, pas au téléphone, mais lors de. Non, quoi, c'est vrai que du coup je suis devenu moi un peu infidèle d'Annecy, de quelques lieux comme ça. Enfin, Je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas envoyé un CV à une boîte de prod en me disant on verra bien, en sachant que ça, pour ce qui est du domaine du son, ça sert de toute façon à rien. Mais par contre, c'est les rencontres dans les festivals, ou dans les écoles aussi. Justine, toi tu te rappelles sur Paris comment la personne qui a fait les effets sonores, qui vient avec sa valise, normalement le bruiteur, voilà. Et tu te rappelles de la rencontre avec lui ? Ben, il n'a pas tant intervenu que ça sur mon film. Je pense que sur celui d'Alix, il a été beaucoup plus loin. J'ai un trou de mémoire sur les 400 coups, oui. Voilà, d'Alix. Mais sur le mien, il n'a pas plus que ça. Et même sur ce qu'il m'a fait, on n'a pas tout utilisé. Donc ouais. Je ne serais pas la bonne personne pour parler, je pense. Mais c'était impressionnant de le voir avec tous les objets et de voir des valises où tu pouvais imaginer du son. Enfin, il y avait des objets, mais c'était des valises qui contenaient du son et pas des objets physiques. Enfin, c'était assez assez impressionnant de voir sa connaissance. Enfin, et d'être surpris par un objet où d'un seul coup c'est du style. Je m'attendais pas à ce tour-là. Et... Ça, c'est extraordinaire d'à la fois. Tu vas nous faire un petit quiz. Tu nous as amené quelques petits. Pour nous faire un quiz pour savoir de quel objet peut venir. Ça, c'est passionnant aussi quand on est monteur son comme tu l'es, de pouvoir travailler peut-être des fois avec un compositeur. Quelqu'un d'autre, travaille avec quelqu'un qui est un bruiteur, etc. Il y a un côté réjouissant de. Ah oui, l'équipe, bien sûr. Chef d'orchestre, quelque part. Oui, bien sûr. C'est vrai que je mets monteur son, souvent sur les projets, il n'y avait pas vraiment de mots. Alors, le truc qui se dégage, c'est chef monteur son ou superviseur sonore. Ça existe depuis longtemps aux États-Unis ou dans d'autres, mais effectivement où je vais un peu chapeauter et donc j'ai la chance de pouvoir choisir, alors pas le musicien évidemment, ça c'est vraiment de l'apanage du réalisateur et de la production, mais un bruiteur, un mixeur aussi, la personne qui mixe le film, c'est super important, c'est aussi des sensibilités, participer aussi au casting des voix, enfin tout ça c'est juste passionnant. Et ça vient aussi au fait moi au départ j'étais dans le jeu vidéo, j'ai inventé mon métier avec des copains qui montaient des boîtes de jeux vidéo et on faisait tout. Moi, je me suis retrouvé à faire du casting, l'enregistrement d'acteurs, du bruitage. J'ai fait plein de conneries parce que j'y connaissais rien, mais au moins j'ai appris beaucoup. Et arriver dans le cinéma, c'est beaucoup plus compartimenté. Donc, alors vous n'avez pas besoin de fermer vos yeux. Nous, on ferme nos yeux, on ne regarde pas. Et donc, Nicolas non plus, t'as pas le droit. Et donc, on est censé pouvoir savoir d'où ça vient. Alors, je sais pas ce que va attraper le micro, mais... Ça, c'est un sac en plastique. Oui, c'est un sachet plastique. Avec du riz dedans. Non. Et puis, on peut... Ah, c'est une paillasse. Ou un truc un peu plus... On dirait qu'il pleut dans le studio. Des petits papiers froissés. Et alors vous verrez que vous réécouterez tout ça dans le podcast. Vous ouvrez les yeux. Vous n'aviez pas tout à fait tort. Bon, j'ai un tas de bandes magnétiques de cassettes, de vieilles cassettes audio et un genre de paillasse, effectivement, qui est une baguette, mais qui c'est finalement des grains de paille. Oh, wow. Et vous verrez que je ne serais pas surpris que les auditeurs là aient une sensation totalement différente des vôtres, parce que ce que capte le micro n'est pas du tout ce que vous allez capter vous. Et notamment, on est très près du micro. Et donc il y a un effet de proximité avec les sons qui est différent. Qui est différent que dans le studio. On continue. Alors, dans les petits trucs de... Tiens, ça. Ok. Chouette, mais c'est pas une... comme une chemise. Une sorte d'éventail. Ouais. Ben, vous savez, un cahier, mais avec des feuilles en plastique à l'intérieur où on glisse des documents. C'est un calendrier chinois. Avec l'éventail, tu n'étais pas très loin, Rémi. Bravo. Ça faisait bien les chauves-souris. C'était parfait pour... Alors, ferme les yeux. Ça, c'est un impôt. Bah oui. Ça peut pas être un impôt, ce serait trop facile. C'est un truc que qui coince. C'est un appo. C'est un appo. Mais qui sert beaucoup à faire des sons de. On tourne un robinet. Fermer un robinet dans une salle de bain. On continue. On a quoi encore allez. Pour écouter ce qu'il y a, on n'a plus beaucoup de temps. On a 5-6 minutes. Attention. Là, je l'ai vu. Je peux pas dire. Je l'ai vu quand tu l'as sorti tout à l'heure. Une vieille pince. Un truc qui se glisse ou qui se tourne. Un pistolet à colle. Voilà, enfin, juste le pistolet. Et ça, je m'en suis servi dans beaucoup de films parce que c'est bizarre dans l'animation. Il y a souvent des grand-mères. Quand il y a une grand-mère dans un film d'animation, elle a toujours un petit chariot. Et ça sert à faire le chariot. Encore un ou deux, malheureusement. Dans les trucs. Ah oui, ça vous connaissez, mais vous allez le reconnaître quand je vais là. Ah, c'est un ballon ? C'est un ballon. Un tête de l'onde baudruche, ça fait beaucoup de choses. Et ça fait quoi? Et puis attention à l'ingénieur du son, mais quelque chose qui peut servir aussi, mais ça vous n'allez pas l'entendre si vous n'avez pas de casque, ça sera que les auditeurs. La neige. Ça, neige, ouais. Ça peut servir à faire des pas dans la neige, ça peut servir à faire des bruits un peu organiques. Il y en a un autre qu'on peut faire aussi, donc là qui va. Je vais enlever la bonnette, hein, deux secondes. Le son qui fait pas de bruit. On peut faire comme ça des roulements juste en soufflant sur le micro. Voilà, et puis après il y a des petits classiques. Ça c'est un. Je m'amusais trop quand j'étais gamine à faire ça. Voilà, le petit son. Ça, pareil, c'est un peigne, et donc ça fait quoi? Ça fait des petits grains. Alors là, on rentre dans la catégorie des sons un peu cartoon, tout cet extraordinaire vocabulaire du cartoon, qui en plus est d'origine, qui a des origines européennes, pas américaines. C'était des. Bon, pas un petit son comme ça, mais tous les sons qui servaient à agrémenter les cabarets, les opérettes. Il y a eu beaucoup de machines à faire des sons que tu as inventées. Le sifflet, les flûtes à pistons. Voilà, tout ce vocabulaire-là qui est quand même. On est vraiment en cartoon. Et ça, c'est un vocabulaire qui signe. Enfin, qui est vraiment l'univers du dessin animé cartoon. Ouais. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on t'a à la maison, ou que t'es invité, enfin voilà, tu regardes et t'écoutes à peine et tu fais, oh tiens, qu'est-ce que c'est que cet instrument, je connais pas, et dès que t'as des bruits, là on entend les orges. Ma compagne se méfie parce qu'il m'arrive de quand il y a un nouvel instrument, un ustensile de cuisine, de vouloir le piquer ou alors un jouet ce petit gamin. Et donc on peut jouer, c'est ça, comme tu dis. Moi je suis pas bruiteur, mais c'est vrai que les bruiteurs, ce qui est génial, c'est que c'est des gens qui passent beaucoup de temps dans les brocantes à chercher des objets, et c'est que du matériel de récupération pour voilà, qu'est-ce que je peux faire avec ça. Alors il y a la sonorité, il y a le geste du bruiteur aussi qui est très important. C'est-à-dire, comment il va se synchroniser, refaire le geste pour que la synchronisation soit la bonne. La synchro est essentielle pour faire croire à un son. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit un truc tomber et puis que ça fait ça, pour que ça tombe, alors il monte, pardon, on y croit, alors que ça n'a aucun sens en soi, mais c'est parce qu'il y a une synchronisation entre le mouvement et le son. Ce qui est étonnant, c'est que même des bruits évidemment comme ça, on dit cartoon, mais ça fait penser, évidemment, on peut penser à des Schwenkmeyer, en fait, des choses comme ça, ou des gens plus, enfin auteur, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, utilisent évidemment ce genre de bruit qu'on connaît. Bien sûr. Et qui nous rappelle. Tu nous as amené, la tribunale, la tienne, n'est pas là, on sait pas trop, mais tu nous as amené un petit cadeau qui est un peu une exclusivité. Waouh! Qui est, donc, tu as travaillé sur Adama, oui. De Simon Roubi. Oui. Et là, ce qu'on va entendre, c'est donc Oxmo Puccino. Oxmo Puccino qui a participé au film à la fois pour écrire cette chanson du générique de fin du film qui sera en tête sur la bande originale qui va sortir en octobre. Le film lui sort le 21 octobre, on profite pour faire un petit peu de pub. Ouais, tout à fait, oui, t'as raison. Et Oxmo Puccino donne aussi sa voix à un des personnages. Et ben donc ce que je propose Nicolas c'est qu'on écoute ça et puis on reviendra si jamais il y a juste pour finir si la tribuna n'est pas encore revenue. Merci beaucoup. Si tu t'accrochais à une étoile filante, t'aurais la lumière plein les bras et des rêves pour 1000 ans. Mais entre nous, à peine une pellicule. Pour se parler vraiment, on prend un véhicule. Pour être touché, faut voir le touchant. Et pour se toucher maintenant, on doit passer l'écran. Partir ailleurs que vers le nord, où les parois de béton vertical te bordent. Depuis ces temps immémoriaux où l'on se chuchote, se cherche avec le même noyau. Quelques notes, afin de repousser la guerre, quand ces lances et flèches contre fusils laser. L'avenir se trace dans le passé, donc le présent avant tout, tirer son destin du monde qui nous entoure. Rémus, Romulus, Abel et Caïn. Né pour se battre et coucher sans câlin. Avant d'être historique, c'est personnel. Malgré les prédictions traditionnelles, tout homme de son frère est le gardien. Qu'il le veuille ou non. Dans le refus, le deuil est long. S'il y a terre dans fraternelle, c'est qu'au début, il y a un peuple séparé par la mer. Tous le petit de quelqu'un à qui fut légué une chose à transmettre. Mais on ne peut courir au long du fleuve sans un jour penser à le traverser. Risquer la coutume, vouloir les renverser, trier ce qu'il y a à conserver. Sur ce sol sphérique divisé, être chez soi peut faire se sentir dépaysé. Mais à force qu'un fils lion marche, il se forge, puis finit en marge entre ailleurs et l'Occident, car toute présence n'est pas un accident, parce que le chemin part de loin. Les aînés dans la famille parleront de moins en moins. Alors oui, l'important c'est l'autre. Y croire, c'est un jour reconnaître l'étoile au-delà des falaises. Dans le monde des souffles, là où règnent les Nassara. Ben merci beaucoup pour ce cadeau, Yann. Donc Adama, c'est pas toi qui a fait la musique. Non, on précise que c'est évidemment musique de Pablo Pico. Parce qu'on a parlé d'Oxmo Puccino, c'est bien parce que hein, c'est un peu la star, mais Pablo Pico, ben, pareil, c'est quelqu'un qui travaille aussi avec toi sur En sortant de l'école, qui est un musicien pareil, assez passionnant. Passionnant. Hein, c'est bien de réussir à travailler avec des gens. Encore une fois, on disait ce mélange finalement. Ce que je trouve étonnant, c'est que je dis souvent qu'en travaillant avec Pablo, qui est un musicien qui est à la fois très instinctif et très bon interprète, il joue de la clarinette, du piano, de la batterie, des percussions, très très bon percussionniste. En travaillant avec lui, les gens pensent que je suis finalement un bon compositeur. ça me rend pas mal de service. On a juste 5 minutes. La Tribuna Latina n'est pas encore arrivée. T'as encore un ou deux sons à nous faire. S'amuser avec nous. Total, il y en a un qui a un peu connu. En attendant. Ah, il y a le téléphone qui sonne, peut-être Rémi, c'est pour toi. C'est peut-être quelqu'un qui a un truc à te donner. Ça va marcher aussi dans le micro. Moi j'ai vu, hein, donc c'est un battement de cœur évidemment, et voilà. Donc c'était ta veste. Avec ma veste, un bout de tissu. Non mais encore une fois, le bruitage c'est. C'est surtout du geste, et c'est que des matériaux qu'il faut savoir combiner, mélanger. Est-ce que tu te rappelles d'un bruit où on t'a dit, tiens, j'aimerais ça comme bruit, tu fais, oh là là, comment. Même demander au bruiteur, dire, qu'est-ce que. Moi, j'ai eu des demandes spéciales beaucoup dans le jeu vidéo. Ouais. Le bruit de la glace qui fond, par exemple. Waouh. Mais pas de l'eau qui coule, le bruit de la glace qui fond. C'est-à-dire qui, tu vois, en temps réel. Voilà, Et là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la glace, on fait, oh. Il y a aussi parfois le retour, mais c'est pas beau, ce bruit de pas là. Mais depuis quand un bruit de pas, c'est beau? Quand on met l'oreille dessus, c'est une semelle, si c'est une chaussure qui grince sur un sol plus ou moins. Donc, c'est beau quand ça devient rythmé, quand c'est mélangé avec le reste. Voilà, c'est. Est-ce qu'il y a on parlait de résidences sur les cycliques, est-ce qu'il y a des résidences. Pour les gens, est-ce que s'il y a des jeunes compositeurs, on parle souvent des gens de l'animation, parce que c'est un peu plus les gens qui nous écoutent, mais imaginons, il y a un jeune compositeur qui. Oh, il y a Yann Folesi qui a. À Bulle de Rêve, c'est trop génial, je vais écouter pour la première fois Bulle de Rêve parce que j'adore ce que fait Yann Folesi. Un conseil, un avis par rapport à un jeune créateur? C'est toujours casse-gueule de dire des choses comme ça. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce qui me semble, c'est. Ça me paraît vraiment important d'essayer de se démarquer, parce qu'aujourd'hui avec la technologie on a accès très facilement à des sons pour imiter de l'orchestre mais tout le monde fait la même chose avec enfin ça se ressemble beaucoup. Donc si on fait du faux John Williams avec un grand orchestre avec quelques logiciels sur ordinateur, il y a quand même beaucoup de chances que ça ressemble exactement à ce que fait le voisin. La musique est un territoire encore suffisamment vaste pour essayer de trouver des choses qui font qu'on se démarque un peu de ça. Il y a, voilà, maintenant, encore une fois, c'est très très vaste. Donc, Je profite des 5 minutes. Justine, toi, t'as fait un projet d'après une musique, Marconi Union, c'était Philonitzek. Est-ce que tu pourrais partir d'une bande-son, par exemple, qui a été faite il y a des années? Christophe Herral avait fait ça au Forum des Images, hein, avec Sylvie Porte, pour le Carrefour de l'Animation, ils avaient fait ça. C'est quelque chose que tu pourrais aimer faire? Quelqu'un te propose et dit, tiens, telle bande-son, et maintenant fais un film. Complètement, c'est passionnant, parce que quand la musique se tient, bah, y a forcément quelque chose qui va tenir le film, donc tu peux essayer de partir ailleurs dans les images. T'es pas forcément obligé de te dire, ah, faut que mes images elles tiennent et qu'elles veulent dire quelque chose, ou le son est là, il va tenir ton film. Donc si le son est là, tu peux, je sais pas, tu peux partir ailleurs et essayer des choses. T'es une grande fan de, par exemple, on le sait, enfin, bon, gens qui te connaissent, d'Antonioni par exemple, est-ce que sur des gens de films de prise de vue réelle comme ça, est-ce que ça t'arrive de ne pas regarder les images à un moment donné et de te dire, tiens, j'écoute juste la bande son pour voir comment elle est travaillée? Est-ce qu'il y a ça ou pas forcément? Quand je connais bien les films, j'ai du mal à faire ça sur un premier visionnage. Souvent, je me dis, je me laisse porter. Et j'ai quand même plus l'habitude d'analyser les images que le son. Mais c'est après plusieurs visionnages que je commence à... Ah oui, le son a fait ça à ce moment-là. Et je... Ah d'accord, c'est vachement intéressant. Je vais essayer de retenir ça et de... C'est terrible d'avoir un film qui permet l'analyse immédiate parce que, du premier spectateur, parce que ça veut dire qu'il s'est fait chier s'il a pu regarder, s'il a pu commencer à analyser. L'idée, c'est d'arriver à faire un travail où justement, il faut vraiment le revoir pour rentrer dans, commencer à analyser. Toi, Rémi, au travail avec le son, Nicolas, qu'est-ce qu'on fait? On va après. J'ai eu la tribune Latina au téléphone, ils sont coincés dans les encombrements, donc ils vont avoir du retard. Qu'est-ce qu'on fait? On continue un petit peu? Faut que tu rentres? On continue un peu? Est-ce que vous pouvez continuer un tout petit peu, ou si vous devez partir, on peut continuer avec Justine, on va un petit peu à faire. Il y avait, ou on peut mettre une petite. Il faut que ce soit Crocanime dans pas très longtemps. Si tu dois y aller, Yann, vas-y, on va continuer peut-être à parler un tout petit peu. C'était pas prévu. Normalement, quand la tribune Latina, c'est vrai que c'est toujours. J'amène pas trop de choses. Est-ce qu'on peut. En attendant, on avait amené, on peut peut-être. Oh, je voulais mettre si j'aime beaucoup. Normalement, tu dois avoir en piste. On peut mettre ça et on va demander à Yann de rester 2 secondes en piste 11. T'as deux petites pistes qui doivent faire 43 secondes et 50 secondes à peu près. Yann, quand on travaille, là on vient d'écouter le vélo de l'éléphant. On improvise un peu, hein, donc même moi dans mes questions, on improvise, mais c'est pas grave. On se connaît en plus, je connais le travail. Là, c'est le vélo de l'éléphant. Film d'Alessia Choukina. Quand on travaille sur ça, c'est pareil, il y a une espèce de plaisir comme ça, presque du jeu, je sais pas. On sent un vrai bonheur de la musique et. Oui, et puis en plus, le vélo de l'éléphant, pour le coup, c'est vraiment un court-métrage. Pour le jeune public, donc il faut, oui, c'est de trouver cette petite chose un peu magique, un peu. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand je me mets au piano et puis je joue les premières notes, da da da da da, comme ça rapidement. Alors, je suis un très très piètre chanteur, pardon. Au piano et que mon fils se retourne et dit le vélo de l'éléphant. Ça fait super plaisir. C'est facile de travailler pour des choses qui sont un peu plus pour enfants ou des choses plus adultes. Beach Flags, qui est pas complètement que pour adultes, mais et le vélo pour de les enfants, c'est pas facile du tout, parce que je vous jure que c'est plus facile de faire de la musique triste que de la musique gay. C'est la musique, on plaque un bel accord mineur, tout de suite on a envie de pleurer, c'est beau, on est saisi, alors que la musique un petit peu enlevée, tout ça, c'est pas évident parce que c'est vite très naïf. Alors moi, j'adore la musique naïve et j'en fais, mais c'est voilà, ça peut vite faire cucu, tu vois. Alors que la musique triste, tu vois, tout de suite, c'est voilà, c'est un peu. Ça marche. Moi, je trouve ça plus facile. En tout cas. Allez, je trouve ça plus difficile. Un dernier extrait, je te laisse après. Est-ce que Nicolas, on peut écouter l'extrait, parce que je me rends compte qu'il y a plein de choses. L'extrait 10, qui doit s'appeler Beach Flags. عیبی نداره سرنوشت دیگه ویدا پس حالا تو نماینده ای تیم مایی همه ای امیدمون به توه Alors, ce n'est pas à l'émission sans fin, on ne revient pas à John Binet qu'on a entendu tout à l'heure, ce groupe de rock progressif coréen, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça qui amène. C'est un ciné-concert, Beach Flags, donc d'après le film de Sarah Sedan. Nous expliquer un peu. C'est la musique du film, on avait joué. En fait, on a eu pour ce film-là, d'ailleurs, on va faire le lien, on avait eu une aide de Par Cyclique SACEM et on a eu aussi une résidence. Pour l'enregistrement de la musique. Alors j'ai un méga trou de mémoire, c'est la résidence qui est en Auvergne, dans un lieu extraordinaire, Fontevraud, voilà, à l'abbaye de Fontevraud, pendant 4 jours en immersion avec les musiciens pour enregistrer la musique, donc qui est déjà écrite, mais qu'on répète et qu'on enregistre pendant ces 4 jours dans un magnifique auditorium. Et voilà, cette musique était assez aidée. Et moi, j'ai tout de suite proposé à l'organisatrice et puis aux gens de l'abbaye de terminer par un ciné-concert. C'est-à-dire qu'au bout des 4 jours, on aurait normalement fini d'enregistrer la musique et on allait la redonner en concert, en direct au public. Voilà. Donc là, ce qu'on vient d'entendre, c'est le film qui passe avec uniquement les voix et les ambiances qui avaient déjà été posées. Et on joue la musique, on est 9 musiciens, plus la chanteuse pour le générique de fin, qui est la sœur de Sarah Sedan, Mariam Sedan, qui chante le générique de fin. Et donc on joue la musique en direct, comme un ciné-concert, oui, c'est ça. Yann, merci beaucoup, on va te laisser partir avec Rémi. C'est un plaisir. Hein, ils vont depuis le temps rejoindre que je suis cette émission, hein, et que je... Je suis ravi. Maintenant que je suis passé à Bulle de Rêve, je sais pas ce qu'il va me rester à faire dans mon animation. Bah, nous, être invités, parce qu'en fait, tous les invités n'amènent pas des bouteilles de vin, donc c'est vrai que ça, c'est plutôt pas mal. Merci infiniment, Yann, encore vraiment. On suivra. Rémi, à bientôt. La prochaine émission, c'est en octobre. Cool. On continue un petit peu, en attendant que la tribuna latina arrive. Avec Justine. Plaisir. Justine, tu peux nous parler un tout petit peu de. De l'écran d'épingle, on n'a pas eu le temps d'en parler. Surtout pour l'affaire à Justine. C'est comme ça, oui. Ça m'étonne pas de toi. Alors, on va attendre. Voilà, c'est le côté aussi improvisé. Justine dit au revoir. Salut Rémi, à bientôt. Bonne soirée croque-anime à tous les deux. Et au fait, Yann, c'est qui a le prix de la musique? Tu le sauras dans une petite heure. Ok, j'ai essayé. J'espère que Croc-Anime tweet. Merci à tous les deux. À bientôt. Justine. Oui. Est-ce que l'écran d'épingle, on en a parlé, Alexeïev par cœur, hein, c'était une envie vraiment depuis très longtemps? Depuis juste avant le DMA. Découvert comment? Dans une exposition au Frénois, à Tourcoing, donc juste à côté de Roubaix et de l'ESAT. Et donc, du coup, je voulais m'instruire pour impressionner les membres du jury, donc j'étais voir l'exposition et je suis tombée nez à nez avec une œuvre d'Alexeïev, Le Mont sur le Mont Chaud, Une nuit sur le Mont Chaud, d'Alexeïev et Parker. Et coup de foudre immédiat, même sans comprendre quelle était la technique et qu'est-ce que c'était, mais une sorte de force un peu incroyable qui se dégageait du tout petit extrait sur une toute petite télévision. Et du coup, ça m'a suivi, je pense, pendant toute ma scolarité en DMA, à savoir, oh, bon, est-ce qu'il y a encore un écran disponible? Est-ce qu'on peut faire quelque chose dessus? C'est quand même incroyable, il y a plein d'épingles, on fait des films avec ça. Et... Un premier rendez-vous loupé, à Annecy? Oui, il y avait, je crois que c'était ma première fois au Festival d'Annecy. Il y avait une rencontre qui était organisée avec Michel Lemieux et qui s'est annulée au dernier moment. Qui était pourtant le premier ticket que j'avais réservé, j'en étais tellement fière et heureuse, j'étais, ah, oh, mon ticket. Et au final, ça ne s'est pas fait, donc bah, tant pis. Déception sur le coup, puis après rencontre, tu sais qu'il y a un écran d'épingle, en tout cas, qui est racheté plus ou moins, enfin je ne sais plus. La rencontre avec Nicolas Ligori, elle se fait à ce moment-là, pas encore C'est des rencontres par mail. Ouais. Donc c'est plutôt, j'ai entendu parler d'un écran et peut-être tu es au courant, et du coup, pour savoir un peu plus, et on est resté en contact et... Dès que l'appel à candidature pour participer au stage de formation qui a eu lieu cet été a été lancé, ils m'ont envoyé un mail en me disant bah voilà, ça se fait pour de vrai, il va y avoir un stage, envoie ta candidature. Et du coup, j'ai envoyé ma candidature. C'est quoi, parce que je pense qu'ils vont pas tarder à arriver, là j'entends, mais le plaisir de l'écran d'épingle, en quelques mots, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, quand tu retrouves vraiment cet écran d'épingle, d'un seul coup, il y a quelque chose d'extraordinaire? C'est pas un outil comme. Enfin, on. Vas-y, finis vite, on va finir. Ouais. C'est difficile à expliquer, c'est un outil qui a une présence assez folle quand tu rentres dans la pièce et que tu vois l'écran pour la première fois. Je le compare à un acteur qui aurait une présence particulière, ben, c'est un outil aussi qui en impose et qui est très attirant et en même temps, il ne faut pas l'abîmer, il y a quand même toute une aura autour de cet outil, donc c'est... J'ai du mal à résumer à tout de ouais. suite. C'est, est-ce qu'une technique vient avec un film? Est-ce que d'un seul coup tu vois l'écran d'épingle et tu dis déjà non, là je vais un peu. Justement, comme tu dis, il y a une telle aura, déjà je vais voir ce que moi. Est-ce qu'il m'accepte? Comment on va travailler ensemble? Oui, il y a tout ce côté mystique quand même de l'écran. On ne l'amène pas là où on veut et il nous amène aussi un petit peu là où il a l'habitude d'aller. Là, c'est un nouvel écran, il n'a jamais été utilisé par personne. Et le peu de films qu'on a pu voir sur les écrans. Ces trois réalisateurs qui ont une manière de faire particulière et évidemment ça donne une couleur à l'objet, donc on a envie à la fois d'utiliser l'écran pour ce qu'il est, à savoir ces nuances incroyables, ces outils qui vont faire le modelé de l'image finale, et en même temps on se dit qu'on aimerait s'en détacher et réussir à donner une couleur particulière à cet écran, et il y a quelque chose de... on aimerait comment dire... Pas se laisser manger aussi par l'outil. C'est important de venir en ayant sa personnalité, ses envies et essayer de l'amener ailleurs que les trois prédécesseurs qui ont été Michel Lemieux, Jacques Drouin et Alexeïev et Parker. Nicolas, qu'est-ce qu'on fait? On continue encore dans 3 minutes? On lance... Non, on continue? Qu'est-ce qu'on fait? On fait en improvise? Est-ce qu'on lance le générique de la tribuna? Et eh bien alors donc, Justine, merci beaucoup. Merci à toi. On a avancé encore une fois, je vous l'ai dit, on n'a pas eu de temps, enfin on a parlé un petit peu avec Justine, mais c'est vrai que je suis persuadé, elle viendra nous revoir, notamment pour nous parler de l'écran d'épingle. On passe bien sûr la parole à la tribune à Latina, encore un grand merci à Nicolas et à très vite pour un nouveau Bulle des Rêves. À bientôt.